leur université d'été. Et ce sont deux candidats à la présidentielle qui ont fait le déplacement. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, tous deux venus chercher le soutien de la gauche du Parti Socialiste, Elisa Bertholomé. Comme un symbole, ils sont arrivés chacun d'un côté du train faisant mine de s'étonner de la présence de l'autre à la gare. Une question de hasard certainement, car pour Arnaud Montebourg, l'heure n'est pas encore à l'union. Je présente mes propositions, c'est une campagne de contenu. Les Français veulent voir comment nous voulons transformer le pays et où nous voulons l'emmener. Il n'y a que ça qui m'importe. Le reste, on s'arrangera. Pourtant, l'entourage des deux candidats se voit régulièrement. Et pour les militants, il ne faut qu'un seul candidat de la gauche du PS à la primaire. Pour Benoît Hamon, l'unité n'est pas encore à l'ordre du jour. On est dans une phase où on a besoin de parler et d'aller au bout. On le voit bien. On a besoin de creuser. Et je crois qu'une primaire, ça permet cela. Il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Moi, je comprends qu'on puisse avoir le désir de l'unité, mais il faut qu'elle se fasse sur des bases politiques. D'ici la primaire, chaque candidat a donc bien l'intention de tracer sa route. Aucun des deux n'est prêt à renoncer. Montebourg, comme Hamon, pense être le mieux placé pour l'emporter. Elisa Bertholomé, envoyée spéciale d'RMC à La Rochelle. C'était il y a un mois précisément, 150 hectares partis en fumée dans l'Hérault, à Gabien précisément, incendie qui avait fait 4 victimes du côté des pompiers. L'un d'eux est même brûlé à plus de 90%. Deux d'entre eux risquent de subir des amputations. Un mois de passé et les familles des soldats du feu n'ont aucune information sur ce qu'il s'est vraiment passé. Elles ont donc décidé de porter plainte pour avoir accès à l'enquête. Luc Abrat Kievitch est l'avocat de ses familles. On a vraiment l'impression que les familles sont mises à l'écart et qu'on fait une enquête interne. Voilà. Moi, je veux que l'enquête ne soit pas interne, je veux une enquête objective, impartiale, où on puisse effectivement discuter, où on puisse aller chercher des preuves, où on puisse aller chercher des éléments. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Rien ne se passe. Ces gens sont dans la souffrance absolue depuis le 10 août. Les langues se délient, ils entendent des choses. Le camion ne fonctionnait pas, ils n'auraient pas dû être là. Certains n'avaient pas la qualification de feu. Et c'est terrible parce qu'on se pose des questions. Donc il faut de la transparence. Il est 6h05 sur RMC. Et si Monaco était le club qui fera frémir le PSG cette saison, c'est bien parti en tout cas, victoire 4-1 à Lille. Hier soir, les Monégasques leaders de la Ligue 1 de football et l'attaquant Valère Germain reste les pieds sur terre. Enfin, un bon début de saison, on s'est qualifié en Ligue des Champions, on a battu Paris, on est leader en Ligue 1, mais c'est que le début, donc voilà, on prend ça tranquillement parce qu'il reste beaucoup de matchs. S'il faut dans un mois et demi, on sera plus du tout avec autant de victoires. Donc voilà, continuer à travailler, bien récupérer parce qu'il y a aussi 7 matchs en 3 semaines là, qui vont être très difficiles. Donc on verra si à la prochaine trêve on sera bien placé, on sera très heureux de l'être. Et à l'inverse, après 4 journées, Lyon ne semble pas vraiment dangereux. Un deuxième lourde défaite d'affilée hier soir à domicile face à Bordeaux, défaite 3-1. Et l'attaquant Alexandre Lacazette blessé, de quoi inquiéter le milieu lyonnais Rachid Ghezal. On a beaucoup de mal en ce début de saison à retrouver les valeurs qui faisaient notre force la saison passée. Après, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs circonstances aussi. Il faut être indulgent, mais il faut tout de suite se remettre en question aussi. Donc, il y a des faits de jeu aussi. On finit à 9. Donc c'est vrai qu'après, le score est un peu sévère. Il fait mal, mais on doit vite rebondir. Les autres résultats hier, 2-0 pour Nancy à Lorient. Bastia bat Toulouse 2-1. Partout entre Guingamp et Montpellier. Enfin, Angers bat Dijon 3-1. Aujourd'hui, choc azuréen pour clôturer cette quatrième journée. Nice reçoit Marseille. Le top 14 de rugby, grosse victoire clermontoise hier soir, 47-10 face au champion en titre, le Racing 92. Et en tête du classement, La Rochelle qui persiste. Et aujourd'hui, Toulon qui va tenter de se relancer après 2 défaites sévères. Réaction indispensable face à Toulouse, Pierrick Ten. Eh bien, c'est vrai qu'avec Toulouse, le Racing, Clermont et Montpellier, le calendrier des Toulonnais a de quoi faire peur. Mais Eric Champ, ancienne gloire varoise, veut y voir des motifs d'espoir. Que notre équipe, du moins je l'espère, est en appétit et va retrouver les vraies vertus que l'aurait sûrement dû montrer contre Brive. S'il y en a un aujourd'hui qui cristallise la tension, c'est le président Mourad Boudjel à l'accuser d'entretenir le flou, alors que Fabien Galthié est annoncé avec de plus en plus d'insistance et que l'actuel manager Diego Dominguez se trouve sur la sellette. Thierry Louvet, autre vieille gloire, est le plus virulent à ce sujet. Pour Diego, il était ici, on ne sait pas trop ce qu'il peut chercher, ce qu'il pouvait en faire. On lui remet dans les pattes Fabien Galthié. Je ne pense pas que les gars aient une sérénité absolue pour pouvoir travailler. Un avis partagé en interne, certains membres du staff s'étonnent que Boudjel rencontre ouvertement des remplaçants à Dominguez alors que ce dernier est toujours en place. Boudjelal qui a promis des mesures en cas de nouvelles défaites dans les prochaines semaines. Pas sûr que Dominguez puisse éviter le coup près. Et puis le tennis, Djokovic-Wawrinka, la finale, homme de l'US Open. Aujourd'hui, la nuit dernière, c'est Angélique Kerber qui l'a emporté chez les femmes. L'Allemagne qui s'est donc trouvée l'héritière de Steffi Graf, Eric Salio. Assurée de la place de numéro 1 mondial depuis la défaite de Serena Williams, Angélique Kerber a fait coup double hier en remportant son premier US Open au terme d'une finale extraordinaire. extrêmement accrochée. La Tchèque Pliskova l'a poussée dans les cordes, mais l'Allemande s'est encaissée les coups. Elle n'aura jamais la puissance dévastatrice de Serena Williams ou l'élégance de Steffi Graf, mais ce statut de patronne est totalement mérité. Titre à Melbourne et New York, finale à Wimbledon et aux Jeux Olympiques, l'Allemande a dépassé ses rêves les plus fous. Sa vie est belle, mais elle va changer et cette notoriété peut être dure à gérer. Serena Williams était une fantastique ambassadrice pour la WTA. L'héritage est lourd et c'est un autre challenge à relever pour l'Allemande. François Sorel. C'est pas beau, Thomas, 6h08. Je suis pas, franchement. Comment ça va, Thomas? Écoutez, impeccable. Oui. On a le sourire. Oui, mais évidemment, attendez, on a le sourire. Laetitia Barlerin est là, en pleine forme. Les animaux dans un instant. Bref, tout va bien. Oui. En attendant, vous avez un petit exercice qui vous attend là. Exactement. Vous savez que se disputera cet après-midi le Qatar Prix Vermeil. C'est la 6e étape des Epic Series. Vous saviez ou pas? Non, pas vraiment, non. Ah, ben maintenant, vous le savez. Faites bien de le rappeler. Et en plus de ça, bien sûr, on a un tiercé quarté quinté plus cet après-midi à Chantilly. Voici donc les pronostics de la Dream Team. Sébastien Arras nous recommande le 3 Hello My Love et le 16 Star Sun. Brahim Asloum conseille le 10 Zeppelin et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 9 Follet et l'As L'Écureuil. Le 3, le 16, le 10, le 9 et l'As. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. C'est parti, 6h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est quel plaisir de vous retrouver en ce dimanche matin. Sincèrement, je suis ravi, on va passer cette matinée ensemble jusqu'à 10h. Un bon réveil et on salue tous ceux qui travaillent d'ores et déjà en ce dimanche matin. Je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter et on vous salue. Au menu de cette matinée tout à l'heure, Jean-Luc Moreau me rejoindra entre 8h et 10h, ce sera l'automobile, votre rendez-vous du dimanche matin, 2h dédiées à l'auto. Je sais que c'est un rendez-vous que vous attendez avec impatience et ça tombe bien parce qu'on parlera d'un carburant qui est de plus en plus à la mode, c'est le super éthanol E85. Est-ce qu'on peut rouler au super éthanol E85? Et puis on parlera aussi de justice tout à l'heure avec, vous vous en souvenez souvent, peut-être, cette histoire de radar sur Facebook. C'est la fin du suspense puisque la Cour de cassation a confirmé la relaxe générale des membres du groupe Facebook qui avaient été jugés pour avoir publié en fait des radars sur Facebook. On en parlera. Et puis vos questions auto 32-16 à partir de 8h. Mais pour débuter en ce dimanche matin, c'est Laetitia Barlerin, notre veto, qui est là. Bonjour Laetitia. Bonjour François, bonjour à tous. Bon, Laetitia. Oui. Vous n'indiquez pas sur Facebook où sont les emplacements des radars? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc Bourreau. C'est-à-dire que je ne peux pas conduire et renvoyer. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est pas possible, c'est interdit. Voilà, en plus. Faut choisir. Voilà. On perd beaucoup de points quand on tient un téléphone alors qu'on conduit. Laetitia Barlerin est notre vétérinaire. Vous le savez, elle est là tous les dimanches sur RMC entre 6h et 8h et elle répond d'ores et déjà à vos questions animaux. Allez-y, 32-16. D'ailleurs, dans un instant, Laetitia, nous aurons Jean-Pierre qui nous attend d'ores et déjà. On évoquera tout à l'heure notre quiz de la vie privée des animaux. Laetitia, on va parler de quoi dans ce quiz? D'une première mondiale. Je vous en dis pas plus. Bon, alors, on va parler tout à l'heure de lapins, de chevaux, de dauphins. C'est ça? Eh oui, et même de médiation animale, c'est-à-dire que c'est la zoothérapie, ce qu'on appelle la zoothérapie, voilà. Eh bien, et dites-moi. On parlera de chevaux, mais de chevaux municipaux. Oui. Employé municipal. Ça vous dit quelque chose, employé municipal? C'est vrai. Justement, mais c'est des chevaux, ils sont pas... Ils sont en 35 heures aussi? Je sais pas. Je pense qu'ils travaillent un petit peu moins, en tout cas. De plus en plus... Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué dans votre commune ou dans d'autres communes, il y a de plus en plus de chevaux municipaux. Alors, ils servent à quoi? Ils servent, par exemple, à la collecte des déchets. Ils servent aussi à aller chercher les enfants pour les amener à l'école. Voilà, il y a des brigades aussi équestres dans les municipaux. Et puis c'est sympa d'avoir alors des c'est chevaux. C'est sympa, c'est écolo. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On en parlera justement tout à l'heure. Est-ce que le bien-être animal est là? Parce qu'il faut, voilà. Il faut malgré tout y penser. Est-ce que la ville est dangereuse pour les animaux? Est-ce que les chevaux aussi sont dangereux en ville? Voilà, nous en parlerons tout à l'heure. Voilà, on évoquera aussi les lapins qui ont aussi leur école, Laetitia. Alors ça, franchement, il va falloir vous m'expliquer tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Rabbit School. The Rabbit School. On n'en dit pas plus, on laisse planer le suspense. On évoquera aussi les dauphins qui sont en danger sur les côtes bretonnes. Bah, il semblerait, puisqu'il y a eu une étude qui vient de sortir sur les contaminants. Ils seraient contaminés, les dauphins. Oh là là, on verra ça. Eh oui, parce que évidemment, on sait qu'il y a des polluants. Et, oui. Et les dauphins, même s'ils ont des systèmes de défense très évolués, très élaborés, ingurgitent tous ces produits néfastes. On en parlera tout à l'heure. Je vous rappelle le standard pour joindre Laetitia Barlerin, le 3216, et bien sûr le mail animaux@rmc.fr. Soyez les bienvenus, c'est parti. Et nous accueillons Jean-Pierre pour débuter en ce dimanche matin. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour à tous les deux et je vous souhaite une bonne journée. Eh bien merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. J'ai un gros souci avec un Jacques Russell. J'ai 4 chiens, ce sont 4 mâles. Et ce Jacques Russell a la dent un peu dure. Et dernièrement, la dent un peu dure. Oui, j'aime bien le terme. Même assez dur. J'ai un personne Russell aussi. Et ils se sont battus. Et comme le Jacques est beaucoup plus fort que le personne, il a roulé et il lui a arraché. Enfin, il a fait une belle entaille à la gorge. Je l'ai vite amené chez le vétérinaire qui a constaté. Et quand je suis allé rechercher ce chien, il m'a dit on a frôlé la catastrophe, c'était à 2 mm de la jugulaire. Oula, oui, il avait bien visé, comme on dit. Excusez-moi. Il avait bien visé, comme on dit. Il savait très bien ce qu'il faisait. Mais ça fait deux fois qu'il s'attaque à lui. La première fois, ça a été à la commissure des babines, qui lui avait coupé la commissure. Donc. Oui, c'est un peu tendu quand même, hein, j'ai l'impression, Jean-Pierre, entre eux. Allô? Ah, ben Jean-Pierre est parti. Laetitia, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est complètement parti. Jean-Pierre. Mais c'est pas grave. On va essayer de le retrouver, mais on a compris un petit peu sa question. Hein. On sent qu'il y a des tensions entre ces chiens, Laetitia. Et j'aimerais bien lui poser des questions à Jean-Pierre, parce que je ne peux pas le. Voilà, parce qu'a priori, c'est un chien qui se bagarre avec l'autre chien de la maison. Ben oui, parce qu'il a 4 chiens, hein, rappelons-le. Hein. Alors voilà, il multiplie par 4 peut-être le problème. Si c'est 4 mâles, c'est ça le problème. Alors, quand vous avez 2 chiens à la maison, quand vous avez chien mâle et femelle, bien souvent, ça se passe bien. Ça va. Quand vous avez 2 mâles, voire 2 femelles, il peut y avoir des problèmes. Des problèmes de bagarre, des problèmes... C'est-à-dire que dès qu'ils sont de sexe similaire, on va dire, ça devient un peu costaud. Parce qu'on sait que chez le chien, je dis pas entre le chien et l'homme, mais en tout cas, chez le chien, il y a une hiérarchie. Mmh. Entre mâles et entre femelles. Et si la hiérarchie n'est pas fixe, c'est-à-dire que si un chien se sent dominant par rapport à un autre, mais l'autre n'est pas d'accord, il peut y avoir justement des bagarres. Jean-Pierre est de retour, j'ai l'impression. Jean-Pierre, vous êtes là ? Oui, voilà, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça... Ce n'est pas votre chien qui a mordu la jugulière du téléphone. Non. Ça va. Ils sont tous sur le canapé. D'accord. Et donc, je l'ai fait soigner et la solution serait de lui couper les testicules. Mais moi, je ne veux pas le rendre comme ça, cette pauvre bête. Alors, je voudrais savoir s'il y avait des médicaments qui pourraient le rendre un petit peu plus sociable. Alors, il y a la stérilisation chirurgicale dont vous a parlé votre vétérinaire et la stérilisation chimique aussi. Mais alors, juste une chose, Jean-Pierre, c'est 4 mâles. Oui, 4 mâles. Et il y a juste un problème entre 2 mâles. En fait, avec qui s'entend le mieux, c'est avec un mâlement qui a à peu près le même âge que lui, à quelques mois de différence. Il a 3 ans, ce Jacques. Et les deux autres, le Labrador et le Parson Russell, sont assez âgés. Le Labrador a 14 ans et le Parson a 8 ans. Mm-hmm. Et comme le Parson a un caractère aussi spécial, c'est toujours en train de retourner. Ah ben c'est un terrier. Oui. Il ne faut pas trop le regarder parce qu'il ronchonne, mais il est pas méchant, lui. Mais c'est ce Jacques qui est agressif. D'accord. Voilà, avec les deux autres. D'accord. Alors, je voudrais savoir s'il y avait un médicament. Alors, d'abord, il n'y a pas de médicament miracle qui règle les problèmes de cohabitation entre chiens. D'abord, je tenais à vous le dire. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec votre vétérinaire, quand les hormones s'en mêlent, tout part en vrille, c'est vrai. Il suffit que dans les parages, dans les kilomètres autour de chez vous, il y ait une chienne en chaleur. C'est quelque chose qui attise les rivalités entre les mâles quand ils ne sont pas stérilisés, et c'est un petit peu la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase pour certaines choses, et ils se battent. Il suffit qu'il y ait un chien aussi qui ait trouvé un bout d'os ou un jouet et l'autre le veut, pof. C'est parti. Il suffit qu'il y en ait un qui soit sur le canapé et le deuxième veut y aller et le premier n'est pas d'accord. Pof, ça part tout de suite en vrille. Il y a aussi les relations entre eux. Alors, concernant la stérilisation, vous pouvez commencer par une stérilisation chimique qui est réversible. J'en parle très souvent dans cette émission. Donc c'est quoi? C'est des comprimés, des patchs, c'est quoi? Alors c'est un implant hormonal, implant contraceptif, un petit peu comme ça existe chez l'homme, que l'on met sous la peau, qui est biodégradable, c'est-à-dire c'est très facile à installer. Enfin voilà. Oui, c'est comme si on installait une puce électronique. D'accord. Voyez, voilà. Donc on le met sous la peau. Donc alors, pas d'anesthésie, rien du tout. Rien du tout. Au bout, alors faut attendre quand même un certain nombre de semaines parce que c'est une hormone qui couple tout un cycle hormonal qui fait que ça diminue la libido, ça diminue la production de spermatozoïdes et ça diminue surtout les hormones testostérone. Et du coup, on a un chien qui n'est plus gouverné par ses hormones mâles. Voilà, mais ça ne va pas non plus résoudre à 100% les problèmes qu'il y a entre vos chiens, parce qu'il y a une hiérarchie entre vos chiens. Mais vous pouvez commencer par ça, Jean-Pierre. Commencez par ça et peut-être le faire sur votre Jack Russell qui pose problème et peut-être aussi sur votre Parson Terrier qui pose aussi problème pour diminuer les hormones sur oui, global. Dans les deux camps. L'atmosphère hormonale qui est un peu trop élevée là. Hormonale, mâle, dans les deux camps. Mais il faut aussi vous, Jean-Pierre, que vous mettiez le holà pour tout ça. Il faut pas, par exemple, qu'ils se battent devant vous. Quand ça commence à grogner entre chiens, pof, on les met dehors. Mais il faudrait peut-être que vous serriez un petit peu plus la ceinture, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, en tout cas, montrer que c'est vous le patron. C'est-à-dire, quand vous êtes là, il ne doit pas y avoir de bagarre entre chiens. C'est simple. Ouais. Après, quand vous êtes pas là, c'est leurs histoires. Mais il faut juste qu'ils mettent en place une hiérarchie qui peut être mouvante. C'est-à-dire, demain, peut-être que c'est la personne qui sera dominant par rapport à l'autre. Bon. Mais il faut qu'ils mettent en place. Ils l'ont pas encore mis, cette hiérarchie. Donc, quand ils sont là et quand ils grognent, vous les mettez dehors. À la rigueur, quand ils commencent à bien se battre, vous sortez le jet d'eau pour les séparer. Vous leur donnez à manger séparés. Ça, c'est important. Et puis, vous regardez un petit peu ce qui se passe. Parce que il y a peut-être un problème aussi de canapé. Par exemple, vous parlez de canapé. Il y a peut-être un problème de canapé entre eux. Il y a peut-être un problème d'endroit où ils dorment. Et si vous n'y arrivez pas, prenez un éducateur comportementaliste qui va venir chez vous et voir un petit peu comment analyser la situation. Bah, analyser la hiérarchie qu'il y a entre ces quatre chiens. Jean-Pierre, merci. Laetitia, on revient dans un instant avec notre quiz de la vie privée des animaux et on poursuivra avec vos questions ce dimanche matin. On vous attend 32-16. À tout de suite. RMC 6h-8h. Vos animaux. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Free State of Jones, un déserteur devenu meneur. Aucun homme ne doit dire à un autre homme pourquoi il doit vivre, ni pourquoi il doit mourir. Un meneur qui conduisit une révolte. On se bat pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr. Free State of Jones, avec Matthew McConaughey. Au cinéma le 14 septembre, avec RMC. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Le retour du week-end des experts et les animaux. Dans quelques instants, la météo et les infos de 6h30. Mais auparavant, la tia-tia, il est temps de retrouver le quiz de la vie privée des animaux. Attention, j'espère que cette petite devinette de cette semaine ne va pas me mettre mal à l'aise, la tia-tia. Que je vais m'en sortir. Non. Ça s'est passé cette semaine, pardon. Ah. Début du mois de septembre, en Afrique du Sud, une chose incroyable d'un point de vue scientifique a eu lieu dans une portée de chiots. Il y a eu un chat. Merci beaucoup. Au revoir, Laetitia. Voilà. La pauvre chienne. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, enfin bon. Surtout qu'elle doit s'expliquer avec le père. Hein, oui, c'est bien sûr. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Patati patata. Alors, c'est quoi cette chose incroyable? Alors, j'ai trois propositions. Oui. Deux chiots sont nés de pères différents, bah justement. Voilà, on y est. Deux chiots sont nés de pères différents. Dans une portée de chiot. Dans même la même portée. Ah bah dans la même portée, on bien est sûr. D'accord, ok. Deux chiots. C'est déjà arrivé ce truc-là, non, une fois? Je crois que vous en aviez parlé, c'est pas arrivé déjà? Non, mais ça, vous pouvez me répondre. C'est un truc qui s'est déjà passé. Non, c'est la première fois. C'est la première fois? C'est d'accord. La première fois. Bon. Deux chiots sont nés vrais jumeaux. Ou deux chiots sont nés avec un pelage rose. Totalement rose. Oui, pas seulement la peau, le pelage. Le pelage. Bon, écoutez, alors là, je n'en ai aucune idée, Laetitia. Mais alors franchement, donc comme chaque semaine, je vous invite à m'aider avec animaux@rmc.fr. Laissez-moi votre proposition. On retrouvera la réponse à ce quiz de la vie privée des animaux après les infos de 6h30. Mais auparavant, on accueille Michel qui est là. Bonjour Michel. Oui, bonjour, bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour Monsieur Michel. Bonjour. Oui, ben merci déjà avant tout à Laetitia et tous les conseils du comportement. Ben, ça c'est hyper intéressant. Merci à vous. Voilà. Oui. Alors moi j'ai appelé pour une chatte qui a 8 ans. Oui. Et avec l'expérience depuis le nombre de bêtes qu'on a eues depuis 2 ans, je demande un bilan sanguin pour avoir un point de départ, pour savoir où on en est au niveau de l'urée. Parce que souvent, nos c'est bêtes bien. Partent au niveau de l'urée. Alors oui, c'est pas au niveau de l'urée, c'est plutôt les paramètres rénaux, c'est-à-dire savoir si ses reins fonctionnent bien. Voilà, c'est ça. Alors, ma question est la suivante, c'est que apparemment ça a augmenté cette fois-ci, mais on est à la limite maximum. Et la créatinine? Attendez, je regarde vite fait. Que vous a dit votre vétérinaire. Oui. C'est surtout votre vétérinaire, voilà, parce que c'est pas tant des chiffres pas des qui chiffres, comptent. Oui. L'interprétation, fonction de l'âge, d'accord. De l'animal, etc. Qu'est-ce que vous a dit le vétérinaire? Et des normes de la machine aussi. Voilà. Alors le vétérinaire, là où il m'a surpris un peu, c'est bon, comme ça, on va prolonger avec le traitement, on va prolonger votre chat 3-4 ans. Oh là, j'ai pris un coup. Parce qu'il vous a dit quoi? Qu'elle était insuffisante rénale? Qu'elle avait des problèmes de reins? Non. On était juste à la limite maximum d'après les valeurs usuelles, quoi. Ouais, les valeurs usuelles 0,64 et on est à 0,66. Et la créatinine que vous me demandez, ben là on est bien. Enfin, on est bien. On est à 11,9 pour 21 de maximum. D'accord. Pour lui, il dit bon, ben, on va commencer un traitement pour faire diminuer apparemment l'urée, quoi. D'accord. Et il vous a donné quoi comme traitement? Alors le traitement, c'est le. Il vous a donné un traitement pour faire, parce que ce qui l'inquiète votre vétérinaire, c'est que des constantes soient à la limite. Oui. Bon, alors sauf la créatinine, c'est ça qui m'étonne un petit peu, parce que il faut toujours regarder deux paramètres pour les reins. Alors c'est deux paramètres qui, quand les reins, alors vous savez, les reins c'est quoi? Ce sont des filtres qui filtrent le sang. Il filtre le sang pour enlever les toxines, pour éviter que les toxines restent dans le sang et intoxifient bien sûr l'organisme. Quand on a deux paramètres qu'on regarde, c'est l'urémie, la créatinine, et quand ça augmente, et c'est vrai que c'est un indicateur comme quoi faut faire attention, les reins commencent à moins filtrer. Alors faut faire aussi attention à une chose chez c'est le très chat. Courant chez le chat. Alors chez le chat âgé. Oui. Alors 8 ans, on n'est pas encore. Bon, on commence quand même à être dans les âges. Et c'est très bien, Michel, de lui faire une prise de sang pour vérifier un petit peu. Si les reins fonctionnent bien, s'il n'y a pas de diabète, par exemple, si le foie fonctionne bien, parce que nous, vétérinaires, bien souvent, on fait cette analyse de sang quand il y a déjà les symptômes. Or, quand il y a déjà les symptômes, c'est déjà évolué. Voilà. Voilà. Et là, ce qu'avait l'air de dire le vétérinaire de Michel, c'est qu'ils ont pris assez tôt en fait ce mal-là pour prolonger l'espérance de vie de ce chat parce que on va lui donner un traitement. Alors c'est qui va ralentir en fait l'insuffisance rénale. C'est-à-dire que souvent les paramètres augmentent, enfin les paramètres sanguins augmentent avant les symptômes. D'accord. Donc c'est déjà un signe. C'est pour ça qu'on vous dit. Et il existe des traitements. Et là du coup il vaut mieux voilà nous ce que l'on dit c'est qu'il faut donner un traitement le plus tôt possible pour retarder la maladie parce que l'insuffisance rénale chronique, ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique, c'est quoi? C'est au niveau des reins, c'est le tissu rénal qui se détruit progressivement. Alors pour des raisons X ou Y, il y a beaucoup de polémiques, on sait pas trop, bien souvent on sait pas trop de quoi ça vient, mais on sait qu'avec les années le tissu se détruit petit à petit et on commence à voir les symptômes de l'insuffisance rénale que quand 75% du tissu rénal est détruit. C'est-à-dire, c'est très évolué. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur ce sujet parce qu'il y a sans doute beaucoup d'auditeurs qui se posent des questions aussi s'ils ont un chat, quels sont les premiers symptômes, exactement, à quel moment faut-il s'en inquiéter. On poursuit cette discussion après la météo et les infos de 6h30, puisque la question de Michel est très intéressante. Le 3216, animaux@rmc.fr. A tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC. Jean-François Copé, député maire Les Républicains de Meaux face à Jean-Jacques Bourdin, demain 8h30 sur RMC et en simultané sur BFM TV. Demain, Jean-François Copé, RMC, Bourdin Direct, 6h-10h. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, choisissez vos armes. Dynamite, explosif ou chalumeau. Pour ouvrir des coffres forts, deux experts sortent l'artillerie lourde. Chasseur de coffres forts, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez anticiper les démarches liées à votre déménagement. Vous pouvez par exemple souscrire votre contrat d'électricité à tout moment jusqu'à 2 mois à l'avance sur le site edf.fr. Et maintenant, c'est même possible sur votre mobile. Simplifier votre déménagement, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos services sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. C'est l'heure de la météo sur RMC. C'est la météo avec Yasmina Benbekaï. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. Vous voulez une petite photo avec Laetitia Barbara? Je veux bien, mais bon, il y a la météo à faire en même temps. Non, mais pendant que vous faites la météo, d'accord, je prends photo avec ça Laetitia. Marche. Attendez, je me tiens droite. Ah oui. Alors globalement, c'est une belle journée estivale. Souriez s'il vous plaît pendant la météo. Mais on a ce matin quelques pluies entre le Poitou-Charente, les Ardennes. Ailleurs, c'est un temps sec et souvent ensoleillé. Puis cet après-midi, le temps va quand même s'améliorer. On ne parlera plus de pluie, mais des nuages quand même entre l'Île-de-France, le Nord et les Ardennes. Ailleurs, il fait beau. Quelques orages sont prévus sur les Alpes et le relief corse. Demain lundi, un beau temps ensoleillé pour tout le monde avec des températures en hausse. Il va faire très chaud demain. 30 degrés en moyenne au nord et 33 degrés en moyenne au sud. Les températures cet après-midi, justement, 20 degrés à Cherbourg, 21 degrés à Brest, 22 à Lille, 24 degrés à Paris, 25 à Nantes et à Reims, 29 degrés à Clermont-Ferrand et Biarritz, 30 degrés à Strasbourg, Lyon et Bordeaux, 31 à Toulouse et Perpignan et 33 degrés à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC, il est 6h31, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Comme chaque année, le nom des 3000 victimes sera égrené à grande zéro ce dimanche. Nous sommes le 11 septembre, il y a 15 ans l'Amérique était frappée par le terrorisme, journée de commémoration. Le terrorisme est la menace qui plane sur toute la planète. En France, c'est ce commando de terroristes femmes qui faisait la une cette semaine. L'une d'entre elles a été mise en examen. Hier soir, elle s'appelle Ornella. Elle a 29 ans, ses empreintes ont été détectées dans la voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvées près de Notre-Dame à Paris. Les conditions de vie des détenus radicalisés devraient changer dès la semaine prochaine. C'est ce que dit le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, dans le journal du dimanche ce matin. Réaction après l'agression de deux surveillants cette semaine. Multiplication des fouilles et des changements de cellules récurrents. C'est ce que propose le ministre. Le procureur de Paris, François Molins, n'a pas interféré dans le débat politique. C'est le rappel à l'ordre signé Nicolas Sarkozy ce matin, toujours dans le JDD. François Molins avait critiqué les propositions du candidat à la primaire, les Républicains, pour lutter contre le terrorisme. En l'occurrence, de placer les fiches fichier S en rétention et de créer un parquet national antiterroriste. L'avenir en commun, c'est le nom du programme de Jean-Luc Mélenchon. Il le baptisait hier lors de la fête de l'humanité. Et puis à gauche de la gauche, toujours, les frondeurs prennent aussi la parole ce week-end réunis à La Rochelle. Ils ont de nouveau réclamé une grande primaire des gauches en vue de la présidentielle. Les sports, le football, Monaco leader de Ligue 1 après 4 journées. Monaco qui est allé écraser Lille hier soir 4-1. Lyon, par contre, n'avance plus. Défaite 3-1 à domicile face à Bordeaux. Même score pour Angers face à Dijon. 2-0 pour Nancy à Lorient. Bastia bat Toulouse 2-1. Un partout entre Guingamp et Montpellier. 6h32 sur RMC. Vos animaux, vous êtes avec François Sorel et Laetitia Barlerin. Et Thomas, j'ai une mauvaise nouvelle. Dites-moi tout. Ben, vous ne serez pas sur la photo d'Yasmina Benbeka. Ah, je suis triste. Ben oui, je sais bien. Mais c'est que j'essaie d'être un petit peu sérieux, moi, en fait. Et ben voilà. C'est ça aussi la différence. C'est et la posture de Thomas Chupin. Le journalisme avant tout, le sérieux avant tout. Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et d'ici là, bien sûr, on repart avec vos questions animaux 32-16. C'est le week-end des experts. À tout de suite. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Le retour du week-end des experts, les animaux avec Laetitia Barlerin. Laetitia, ce nouveau petit générique, vous sciez, comme on dit ? Ça va ? C'est sympathique, hein ? Ça donne envie de danser, oui, c'est parti. Ouais, c'est entraînant, ça change, oui. C'est bien. Voilà. C'est bien, le changement. Laetitia qui m'accompagne jusqu'à 8h, notre veto, qui sait ? Le veto, ça change pas. Ça bouge pas, même s'il y a un nouveau générique. Et puis, dans quelques instants, la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. C'est étonnant cette histoire de chiens qui sont nés de la même portée, mais qui ont une particularité, Laetitia. Hein. Voilà, ça sera dans un instant. Mais auparavant, c'est Jean que nous accueillons et qui est avec nous. On revient sur Michel. Oui, pardon, c'est vrai, vous avez raison. Jean, ce sera dans un instant. On revient sur Michel qui, rappelons-le, est allé chez son vétérinaire et le vétérinaire a détecté, en fait, tout début d'insuffisance rénale chez son chat. Voilà. Et on en parle depuis tout à l'heure. Voilà. Et Michel me demandait s'il fallait vraiment donner ce fameux médicament. Alors, ce que je disais, c'est que l'insuffisance rénale chronique chez le chat, c'est vrai que c'est une maladie qui est assez fréquente chez le vieux chat, enfin le chat qui commence à prendre de l'âge. On a une destruction chronique des néphrons, c'est-à-dire du tissu rénal. Et le problème, c'est que chez le chat, on commence à avoir des symptômes que quand les trois quarts du tissu rénal est détruit. Donc c'est pour ça que nous, vétérinaires, nous conseillons de faire des prises de sang régulières, surtout à partir d'un certain âge chez le chat, pour vérifier que les reins filtrent bien. Et c'est vrai que les paramètres sanguins sont les premiers affectés lors d'un problème rénal. Donc on a une augmentation, un début d'augmentation de l'urée sanguine ou de la créatinine sanguine. À partir de quel âge un chat peut commencer avoir des problèmes d'insuffisance rénale? Alors, on a des insuffisances rénales à tous les âges, même chez des jeunes chats. Mais c'est vrai qu'à partir de 8 ans, il faut faire attention. D'accord. 8, 10 ans, là, c'est vrai qu'il faut... Moi, je conseille à 8, 10 ans de faire déjà une première prise de sang pour évaluer. Faire le point, un check-up. Voilà, parce que même si, concernant le diabète, par exemple, le diabète aussi, on a une augmentation des paramètres du sucre dans le sang avant qu'on ait des symptômes. Donc, c'est là aussi où il faut tout de suite traiter. L'alimentation peut avoir un impact sur cette insuffisance rénale ou pas ? C'est la grande partie du traitement. D'accord. C'est l'alimentation. Parce que tout passe par le rein. Vous savez que le rein est un filtre du sang, donc enlève tout ce qui est toxine dans le sang. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à l'alimentation, il faut faire attention aux protéines dans l'alimentation, surtout au phosphore dans l'alimentation. Et justement, on propose une alimentation pour chats insuffisants rénaux qui, justement, tient compte justement de ces problèmes. Avec moins de protéines, c'est ça ? Un peu moins de protéines, mais des protéines de bonne qualité et moins de phosphore. D'accord. Et on a aussi des médicaments. Alors, c'est peut-être le médicament que vous a donné votre vétérinaire. Alors, c'est des médicaments qui... Alors, il y en a certains qui diminuent justement le phosphore dans l'absorption du phosphore au niveau intestinal, mais surtout des médicaments qui régulent la pression sanguine. Parce que si ça, c'est important pour le filtrage au niveau du rein, il faut réguler cette pression sanguine. On a souvent une hypertension avec l'insuffisance rénale. Donc, Michel, votre vétérinaire vous a donné un médicament. Donner le médicament à votre chat et évaluer l'effet de ce médicament dans un ou 2 mois, c'est-à-dire avec une prise de sang, pour voir si les paramètres sanguins qui témoignent du fonctionnement des reins diminuent. Mm-hmm. Et si ça diminue, peut-être qu'il faudra arrêter le médicament. Peut-être pas, c'est à votre vétérinaire d'en décider. Et ça permet, bien entendu, ça permet de prolonger l'espérance de vie de votre chat, surtout s'il a un début d'insuffisance rénale. Voilà. Voilà. Très bien. Ça, il fallait faire le point là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur ce sujet. C'est véritablement un fléau chez le chat, l'insuffisance rénale. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est comme je vous dis, ouais. À partir de 8, 9, 10 ans, il faut commencer à faire une prise de sang et faire un petit peu un bilan sanguin, tout simplement. Tout à fait. Un bilan médical de votre chat. Exactement. Laetitia, on va retrouver le quiz de la vie privée des animaux, mais auparavant, c'est Jean que nous accueillons au 32-16. Bonjour Jean. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour Jean. Je vous écoute depuis longtemps et vous êtes mon réveil matin du dimanche. Ah, bah c'est très sympa, merci beaucoup. Un réveil pas trop douloureux, j'espère. Non, pas du tout. Bon, tant mieux. Pas du tout. Donc je vous appelle pour ma petite chatte qui a un changement de comportement depuis quelques semaines. Oui. C'est une petite chatte qui était toujours avec moi. Elle était, lorsque j'étais dans la maison, elle était toujours avec moi. Oui. Si je m'installais dans le fauteuil, elle montait sur mes genoux. Lorsque je sortais à l'extérieur, elle me suivait. Oui. Quand j'étais dans le jardin, elle venait se coucher dans la même plate-bande que la plate-bande dans laquelle je travaillais. Oui. Et ceci durait depuis que je l'ai eu, elle avait 3 mois. Hein. D'accord. Et maintenant, elle a 2 ans et demi bientôt. Donc, ceci a duré pendant longtemps, et puis il m'est arrivé un problème dans la vie. J'ai eu un accident, d'abord une fracture du bras, ensuite un accident cardiaque, donc j'ai été hospitalisé pas mal de temps. Oui. Et pendant cette période, bien sûr, ma petite chatte, c'est toute seule à la maison, avec quelqu'un qui venait la voir matin et soir, bien sûr, pour lui donner à manger et à boire, mais on tenait à ce qu'elle ne sorte pas, car j'avais peur qu'il lui arrive un accident. Bien sûr, vous n'étiez pas là. Oui. Voilà, puis on est très près d'une route. Hein. Mmh. Donc, le changement de comportement qui s'est produit, qui m'intrigue et qui m'inquiète un petit peu, c'est que depuis que je suis revenu, étant donné qu'elle est restée pendant plusieurs mois enfermée dans la maison, depuis que je suis revenu, elle demande le plus souvent possible à sortir. Oui. Elle n'a plus le même comportement vis-à-vis de moi dans la maison. Oui. Quand elle rentre, elle a plutôt tendance à se coucher sur une chaise, si vous voulez. Oui. Elle est plus autant collante qu'avec vous. Ah, pas du tout, hein. Plus du tout, au contraire, et même parfois, le soir, elle refuse de rentrer. Elle demande à être dehors presque toute la journée. Le soir, souvent, elle refuse de rentrer et elle ne revient que le lendemain matin. Bon. Alors, je voudrais savoir d'où vient ce changement de comportement, quoi. Mm-hmm. Et est-ce qu'éventuellement, il peut y avoir machine arrière? Oui, vous inquiétez pas, Jean, elle va changer. Vous inquiétez pas, la relation que vous avez eue avant, ça va revenir petit à petit. Ah. Alors, faut quand même remettre les choses en place, c'est que quand vous avez été hospitalisée, elle a été enfermée dans la maison, alors qu'elle a connu déjà cette, entre guillemets, liberté de sortir. Alors, vous savez, les chats qui ont connu le jardin, qui sont sortis, c'est vrai qu'ils gardent en eux ce besoin de sortir, d'aller chasser les papillons, les lézards, de se promener la nuit quand il fait frais, parce que les rongeurs, ben c'est là où on peut les chasser, d'aller voir le chat du voisin, enfin voilà, d'avoir leur petite vie. Vous lui avez enlevé ça, ce qui est normal, puisque vous n'étiez pas là, il fallait la surveiller, vous avez très bien fait, Jean. Et vous êtes revenu, et là, vous lui avez rouvert la porte, et elle est sortie. Bon, ça, c'est normal, dans le sens où, voilà, elle va, en plus, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, elle va rester dehors, vous inquiétez pas, elle va devenir plus casanière avec les premières pluies et le froid. Donc, elle va revenir chez vous, vous inquiétez pas. Concernant le comportement qu'elle a vis-à-vis de vous, vous dites qu'elle a changé, mais vous aussi, vous avez changé. C'est-à-dire que vous êtes parti. Vous êtes revenu et vous voulez revivre ce que vous avez vécu avant votre hospitalisation avec elle, c'est-à-dire cette relation très étroite que vous avez avec elle. Donc vous êtes en demande. Or, quand on est trop en demande par rapport à un chat se méfie. Vous êtes, alors, peut-être vous ne l'avez pas vue, mais vous la regardez beaucoup, je suis sûre, parce que vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, parce que vous avez été hospitalisée et que voilà, vous l'adorez, ce qui est normal. Vous voulez qu'elle soit avec vous, donc vous êtes souvent à vouloir la caresser, peut-être la porter, je ne sais pas. Et ben ça, le chat n'aime pas. D'abord, il n'aime pas être regardé, observé, parce que instinctivement, il se dit, quand on m'observe, il y a peut-être un danger. Ensuite, vous êtes revenu, elle vous observe de loin. Elle a pas, c'est pas que vous, comme vous, si vous étiez un étranger, mais vous-même, vous avez changé. Donc, quand on change, un chat nous observe de loin. C'est une espèce de méfiance. Une espèce de méfiance, voilà, un instinct. Et surtout, quand on veut vous savez, c'est comme les chats qui, comme par hasard, quand vous avez des invités à la maison, ils vont direct chez, sur l'invité qui n'aime pas les chats ou qui a peur des chats. C'est dingue. C'est fou. Pourquoi ? Parce que cet invité, justement, le regarde pas et ne veut pas aller vers lui. N'a aucun intérêt envers ce chat. Ne veut pas entrer en contact. Et donc, du coup, instinctivement, le chat va vers cet invité et non pas vers tous les invités qui ont des chats. Il est trop mignon, je veux le caresser, etc. Ils vont plutôt vers la personne qui ne veut pas les caresser. Donc, c'est un petit peu ce qu'elle vous fait, là, votre minette. Ne vous inquiétez pas, Jean. Tout va revenir comme avant. C'est-à-dire que petit à petit, elle va revenir vers vous. Elle va voir que c'est sympa d'être caressée par vous, etc. Mais soyez moins sur elle. Je sais que vous avez une attente envers elle, parce que vous ne l'avez pas vue depuis longtemps. Donc, soyez moins sur elle. Laissez-la venir à vous. Et puis, vous aurez la récompense. Si justement vous vous retenez, elle viendra vers vous. Elle viendra vers vous, Jean. Merci, Jean. On revient dans un instant. Il est pratiquement 7h moins le quart. Laetitia, dans une minute, ce sera la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. Et puis, on poursuivra avec vos questions animaux. Je vous rappelle que vous pouvez joindre notre vétérinaire au 3216 ou bien par mail. animaux@rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, rajoutez-nous votre numéro de téléphone, comme ça on vous rappelle dans la foulée. Pourquoi pas ce matin si vous nous écrivez un petit message. À tout de suite. RMC 6h-8h. Vos animaux. Bonne nouvelle. À partir de demain sur RMC, tentez de gagner votre tablette tactile dans tous les shows. Bourdin Direct, Les Grandes Gueules, Radio Brunet, 100% Bachelot, Le Super Moscato Show et Team Dugas. Une tablette tactile par show, 6 tablettes par jour, c'est pour vous. Écoutez RMC de 6h à 20h et devinez le code pour déverrouiller la tablette. Premier jeu demain dès 6h dans Bourdin Direct sur RMC. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné, un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 septembre selon autorisation. Événement Food. Vendredi 16 septembre à 20h40 sur la chaîne numéro 23. Ne ratez pas le choc de la 5e journée de Premier League entre Chelsea et Liverpool. Retrouvez Eric Dimeco et Luigi Collange pour vivre en clair cette affiche exceptionnelle. Chelsea-Liverpool, c'est vendredi 16 septembre à partir de 20h40 en direct et en clair sur la chaîne numéro 23. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Nous voilà de retour, 7h moins le quart, le week-end des experts, les animaux. Dans un instant, on parlera du bouvier de Claude, du bouvier bernois. Berlinois, c'est berlinois ou bernois qu'on dit ? Bernois. Voilà, c'est ça. En fait, le bouvier de Claude ne veut pas monter dans la voiture. Ah, c'est un problème parce que c'est un gros chien à porter. Alors, on pourrait peut-être poser la question à Jean-Luc Moreau, qui pourrait nous aider. Mais on va d'abord la poser à vous, ce sera dans un instant. Mais auparavant, notre quiz de la vie privée des animaux, Laetitia. Et c'est un quiz sur une portée de chiots. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Oui. Une chose incroyable d'un point de vue scientifique a eu lieu dans une portée de chiots. Laquelle ? Soit deux chiots sont nés de pères différents, ou deux chiots sont nés vrais jumeaux, ou deux chiots sont nés avec un pelage rose. C'est pas facile. Je me tourne vers le mail, Laetitia. Bien sûr. Vers animaux@rmc.fr. Eh oui. Et nous avons Michel, Sébastien, notre pâtissier préféré, qu'on salue d'ailleurs, parce qu'il est au fourneau là, c'est le cas de dire. Eh oui. Christiane aussi qui nous envoie un petit message, Laurence, etc. On vous salue, on vous embrasse. Ils sont d'accord, Laetitia. Et ils pensent que dans cette portée, il y a eu pour la première fois des chiens jumeaux. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Des vrais jumeaux ? Des vrais jumeaux. Oui. Des vrais jumeaux, quoi. C'est les mêmes. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est que chez l'humain, ça arrive assez souvent. Pourquoi ça serait exceptionnel chez les animaux ? Donc c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ça ne vous embête pas si je vous appelle Jean-Pierre ? Non. D'accord. Jeanne Pierrette, à la rigueur. Jeanne Pierrette. Jeanne Pierrette. Bon, sérieusement, la tia-tia. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je vous veux... mettez les applaudissements ou vous mettez le bip ? Ah, mais je mets les applaudissements pour les auditeurs. Ah, merci sûr. Beaucoup. Je suis alors, oui, tellement c'est... fort à ce jeu. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Oui, c'est étonnant. Parce qu'en fin de compte, vous comptiez piéger avec ce quiz. Hein. D'abord, une chose. Dans une portée, ce sont des faux jumeaux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs placentas. D'accord. Et le fait d'avoir le même placenta pour les deux chiots, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment de vrais jumeaux, des monozygotes, comme on dit, c'est extrêmement rare, surtout quand ils survivent. Parce que ce qu'on a, il est arrivé dans les portées, que deux chiots aient le même placenta, mais un des deux mourait, ou les deux. Très souvent, c'est ça. Donc, d'accord, on n'a jamais de vrais jumeaux. On a des faux jumeaux. Alors, concernant aussi les pères, on peut avoir deux pères. Eh oui, bien sûr. Mais ça, parce qu'on l'avait déjà évoqué. Je me souviens d'une histoire insolite où, en fait, je ne sais plus si c'était un chat ou une chienne. Et les chats aussi, ils peuvent avoir plusieurs pères. Voilà. Dans une portée. Alors, concernant ces chiots. Alors, ça s'est passé chez un confrère qui a fait une césarienne. Et il s'est aperçu pendant la césarienne, mais il l'avait pas trop vu, sur un placenta, il y avait deux chiots. Bon. Mais il l'avait pas trop regardé. Et ça lui est revenu après, parce que quand il a revu les chiots, il s'est aperçu, alors ce sont des lévriers irlandais, il s'est aperçu que deux chiots se ressemblaient vraiment beaucoup, c'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes taches, au même endroit. Ah oui, oui, oui. Et pour la première fois, il a fait une prise de sang avec analyse ADN, et on s'est aperçu que c'était de vrais jumeaux. Chose qu'on n'avait jamais démontrée sur d'autres chiens, d'autres chiots, d'autres portées, comme je vous disais, la plupart du temps, ces chiots sont faibles et les deux meurent ou un des deux meurt. Bon, c'est étonnant cette histoire quand même. Hein. Eh oui, alors c'est bien, on va vous mettre les photos sur Internet, mais c'est vrai que quand tu vois, on voit qu'ils ont les mêmes tâches, enfin qu'ils sont pareils quoi. C'est vraiment de chiens identiques. Bon, il faudrait maintenant qu'ils ne soient pas séparés, ces chats. Ces chiens. Ces chiens. Ah oh bah pourquoi ? Bah je ne sais pas. Enfin, ah bah voilà, peut-être si. Que... Bah c'est, oui, ça serait bien de voir un petit peu l'évolution du caractère. Du comportement. Et du comportement. Parce qu'ils auront la même éducation, même portée et les mêmes gènes, bien sûr. Et savoir un petit peu s'ils ont une différence de caractère ou pas de tempérament. Laetitia, il est 7h10. On salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur RMC en ce dimanche matin. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous animaux, comme tous les dimanches, entre 6h et 8h sur RMC. Et nous accueillons Claude qui est là. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour. Bonjour Claude. Bonjour Laetitia. Bienvenue Claude, on vous écoute. Alors vous avez un bouvier bernois et non pas berlinois. Hein. Oui, ça m'a bien fait rire. Berlinois. Ouais, il peut venir de Berlin aussi votre bouvier, hein, mais bon, c'est rare. Non, alors il arrive de la région parisienne, moi je suis en région bordelaise. D'accord, donc c'est un parisien. C'est un chien que j'ai adopté, que j'ai recueilli. Oui, à quel âge ? Il a, ça fait 6 mois que je l'ai, donc il a 5 ans maintenant. Oui. Il m'a été amené en voiture par ses propriétaires, par ses maîtres. Oui. Et alors la séparation a été un peu brutale, c'est-à-dire pour éviter les épanchements d'un côté ou de l'autre. Quand les maîtres sont partis, je me suis cloîtré dans la maison avec le chien. Oui. Puis bon voilà, je sais que du côté des maîtres, ça a été douloureux. Mm-hmm. Le chien, je pense aussi. Bon, bref, les maîtres m'ont dit que quand ils me l'avaient amené, donc ils me l'ont amené en voiture, et ils avaient eu du mal à le faire monter dans la voiture. Mm-hmm. Et moi, je n'arrive pas à le faire monter en voiture, ce qui pose quelques petits problèmes. C'est par exemple, dans le tout premier mois où je l'ai eu. Je pense que c'est une réaction de stress ou d'angoisse ou je ne sais pas trop quoi, mais il s'était mis à se lécher une hanche. à se mettre à vif, mais sur la surface de deux mains, les doigts écartés, quoi. C'était énorme. Mmh. Et donc, je pouvais pas l'amener chez le vétérinaire. J'étais obligé de faire des photos que j'ai amenées au vétérinaire, à la vétérinaire. C'était une vétérinaire. Oui. C'est ce qu'on appelle la télémédecine. Ce qui a fait ce qu'il fallait pour que ça cesse. D'accord. Oui, et puis c'est sûr que c'est pas un petit York à mettre dans la voiture, quoi. Il doit faire 30, 40, 50 kilos. C'est un mâle. Et là, il veut toujours pas monter dans la voiture. Alors, il y a deux comportements qui m'intriguent. J'ai l'habitude des gros chiens. Hein. C'est, oui. C'est le huitième, et sur les huit, il y en a quatre que j'ai adoptés. Et donc, il y a ça. Et je vis à la campagne, au fin fond de la campagne, sur un grand terrain qui fait 5 hectares. Mmh. Il refuse de venir se promener. Alors j'ai un autre chien. J'ai un autre chien qui est un croisement de Patou et de Bouvier. Oui. Ils sont entiers tous les deux. Ils s'entendent très bien. Jamais, il n'y a eu aucun problème, jamais un grognement. Mais alors que l'autre me suit naturellement, lui. Il fait 100 mètres et il revient à la maison. D'accord. Parfois même, quand je dis « Allez, on va se promener », quand je mets mes chaussures, je suis en pantoufles, quand je mets mes chaussures pour aller me promener, il va se réfugier dans un coin de la cuisine, qui est son coin à lui, qu'il a choisi en arrivant ici. Et il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement, Laetitia ? Je pense que c'était un chien de banlieue et qui restait dans son jardin et qui n'a jamais parcouru le monde, comme casanier. On dit. Casanier ? Oui, mais enfin casanier par force, puisqu'on ne le promenait pas. Mmh. Et du coup, il a une peur bleue de l'inconnu, tout simplement. Pour vous, c'est normal, Claude, d'aller vous balader avec votre chien dans la nature. Pour lui qui vient de Paris, hein, de la région parisienne, hein, je ne sais pas comment il vivait, mais à mon avis, il n'a pas connu de grandes balades. Et du coup, pourquoi il veut rester à la maison ? Parce que ça fait que 6 mois qu'il est chez vous, c'est pas beaucoup. Il faut qu'il ait ses repères chez vous. Il a changé de famille. Brusquement, après 4 ans, après avoir vécu avec une autre famille, c'est quand même un stress, un bouleversement, pour ne pas dire un traumatisme. Et il a besoin de s'apaiser, d'avoir quelque chose qui s'apaise. La maison pour lui, votre maison, est un lieu apaisant où il a ses repères. Quand vous le prenez et que vous voulez l'emmener loin, c'est loin pour lui, pour vous c'est pas loin, c'est quelque chose qui lui fait peur, tout simplement. Alors il va falloir, avec le temps, et grâce aussi au deuxième chien qui lui, bah, il sait que bah, quand on va se promener, on revient à la maison après, hein, y a pas de problème, c'est un peu cette thérapie qu'il va avoir avec ce grand chien, il va prendre confiance en lui, en vous, en l'autre chien, et partir en balade, tout en sachant qu'il va revenir dans cette maison. Mmh. Il sait pas s'il va revenir ou pas, parce qu'il a été traumatisé. Concernant la voiture, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la dernière fois qu'il a pris la voiture, il a été traumatisé puisque ses maîtres l'ont abandonné. Faut le dire. Bon. Et c'est Claude, c'est un traumatisme pour lui. Donc il associe la voiture à un traumatisme, même si peut-être aujourd'hui il ne sait plus ce que c'est ce traumatisme. Mais il sait qu'il y a eu un stress. Donc voiture égale stress. Donc si je ne vais pas dans la voiture, je ne vais pas stresser. Donc voilà, c'est très très simple pour lui, c'est voiture égale stress. Donc il va falloir faire en sorte que voiture égale plaisir. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Vous allez mettre votre voiture près de la maison et vous allez jouer avec votre chien près de la voiture. Voiture arrêtée, tout ça, on n'ouvre pas, rien. Ça, pendant plusieurs jours. Au bout d'une semaine, on va ouvrir les portes de la voiture, on va jouer à côté, avec son jouet préféré, et à un moment, vous allez envoyer le jouet préféré, tac, dans la voiture. Oh, comme par hasard. Il va aller chercher le jouet dans la voiture, et puis vous allez refaire... Et après, on fait ça, moteur allumé, etc. Après, des friandises dans la voiture, moteur allumé, vous le faites rentrer dans la voiture, sortir de la voiture, porte, un moment, vous allez sortir de la voiture, fermer la porte, mais ça, au bout de plusieurs semaines, et après, ça va être un plaisir de monter dans la voiture. Merci beaucoup, Claude. On enchaîne avec Françoise, Laetitia, maintenant. Merci, bonjour, Claude. Françoise. Bonjour. On vous écoute, Françoise. Bonjour Laetitia, je suis contente de vous avoir. Bonjour Françoise. J'ai un petit bosseron qui a 5 mois et demi, enfin une femelle, et qui a 3 ergots. Donc je vais la faire stériliser et je vais en profiter pour couper 1 ou 2 ergots. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, coupez-lui 1 ergot, le supplémentaire, le deuxième parce qui ne sert à rien. mais le deuxième, il est très écarté. Et des fois, elle se le cogne contre l'autre patte. Ah. Elle est mal foutue, ma chienne. Oh, elle est mal foutue. Pourquoi elle n'est pas tant au Louis XV ou quoi? Écoutez, si. Alors, je pense que d'abord, elle se cogne parce qu'il y a les deux ergots. Alors, ça arrive hein, chez les Beaucerons d'avoir un double ergot. Et le deuxième ergot. On rappelle ce que c'est rapidement. C'est le cinquième doigt hein, au niveau des pattes arrière. Il y a un double ergot qui ne sert à rien, qui pend, qui sert à rien. Oui. Le problème, c'est qu'il peut se prendre dans des. Par exemple, dans une couverture. Oui, oui. Il peut se frotter avec l'autre ergot. Et ça peut s'infecter ou voilà, bon, ça c'est vrai que quand ça pose problème ce double ergot, on l'enlève. Alors si on, par exemple, alors on n'anesthésie pas forcément pour ça, mais si on fait une anesthésie pour un détartrage, pour une stérilisation, etc., on profite pour l'enlever. Voilà, c'est pas une phalange hein, qu'on enlève, c'est juste voilà, c'est un double ergot qui ne sert à rien, donc vous pouvez l'enlever. Le vrai ergot, est-ce qu'il faut l'enlever ou pas? À voir. Si vraiment ça pose problème, on l'enlève, bien sûr. Hein, y a pas, si votre vétérinaire vous dit oui, on l'enlève, pourquoi pas? Bien souvent, comme je vous dis, c'est rare qu'on enlève l'ergot. On enlève surtout le double ergot, d'accord, qui ne sert à rien et qui, voilà, se prend. Il y a des fils qui peuvent se mettre dedans ou ça frotte tout simplement. Les deux pattes se frottent et puis il y a une infection, une inflammation et voilà. Merci beaucoup Françoise et on va revenir dans un instant Laetitia. Après la météo et les infos, on attaquera notre deuxième partie dédiée aux animaux. On va parler de chevaux, on va parler de dauphins, de médiation animale aussi, puis de lapins aussi qui ont leur école. Ça s'appelle la Rabbit School. C'est l'anglais. Ben oui. On avait les Puppy School pour les chiots. Oui. Eh ben maintenant, on a le Rabbit School. Vous dites les pupilles, vous, pour les... Les pupilles, yo, school. Pupilles. Bah oui. Pupilles, school. Oui. Bon, écoutez, on va réfléchir et on revient. Hein. Après la météo, les infos, on n'est pas sûr, là. À la française, c'est pupilles, school. À tout de suite, c'était RMC. RMC, vos animaux. Et c'est avec Yasmina Bendekai qu'on fait un point complet sur la météo de ce dimanche. Bonjour. En anglais ou en français? Bonjour François. Allez, en anglais, on va rigoler. Oh non, ça va aller. Quelques gouttes ce matin entre Bordeaux, Paris et Reims. Ça vous... Oh, Dieu. Ailleurs, c'est du sun, du soleil. C'est du sun. C'est beau. Au fil des heures, ce sera un temps sec pour tout le monde et le ciel se partagera entre nuages et éclaircies. Ça, j'essaye pas, même pas. Demain lundi, on aura un beau temps, beaucoup de soleil pour tout le monde avec des températures en hausse. Attention, il va faire chaud demain. 30 degrés en moyenne au nord et 33 degrés en moyenne au sud. Mardi, la dégradation arrivera par l'Atlantique. Ailleurs, il fera encore très chaud. Et mercredi et jeudi, attention, on attend des pluies soutenues dans le sud. Vendredi, ce sera le retour des températures de saison. 21 degrés en moyenne au nord et 24 degrés en moyenne au sud. Les températures, justement, cet après-midi, à peu près comme hier, 20 degrés à Cherbourg, 21 degrés à Brest, 22 à Lille, 24 degrés pour Paris, 25 à Nantes et à Reims, 29 degrés à Clermont-Ferrand, 30 degrés à Strasbourg, 31 à Perpignan et 33 degrés à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 15h, Football Ligue 1, Nantes-Metz, suivi de Rennes-Caen. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc Toulouse-Toulon. Et à 20h45, retour à la Ligue 1 avec Nice-Marseille. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 7h. Toute l'actualité, Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. 11 septembre 2001, 11 septembre 2016, 15 ans après les États-Unis, la planète entière se souvient de ces deux avions venus percuter et détruire les tours du World Trade Center. La politique, ce week-end, la gauche de la gauche qui se fait entendre, les frondeurs à La Rochelle et Jean-Luc Mélenchon à la fête de l'humanité. Et puis le sport, le football, l'Olympique Lyonnais en plein doute, deuxième lourde défaite d'affilée hier soir face à Bordeaux. 7h01 sur RMC. Bonjour à tous. 8h46 à New York, il était 14h46 en France. Un premier avion fonçait sur une des tours jumelles. Quelques minutes après, la deuxième tour subissait le même sort avant que le World Trade Center s'effondre. Il y a 15 ans, la sidération. Aujourd'hui, le nom de 3000 victimes sera égrené à grande zéro. Histoire de ceux qui ont vécu ce cauchemar dans le journal. Rita, restauratrice française, était à New York ce 11 septembre. La veille, j'ai fait goûter en fait du calvados, de l'armagnac, du cognac à trois personnes. Et en fait, ils n'ont pas pu aller travailler le lendemain matin parce qu'ils ont eu la gueule de bois. Ils travaillaient au 86e étage dans les tours jumelles. Et moi, je l'ai su qu'après, puisqu'ils sont arrivés une quinzaine de jours après avec une gerbe de fleurs en me disant bah, « Merci de nous avoir sauvé la vie ». J'ai vu toute la tristesse du monde sur leur visage. Ils avaient perdu tous leurs amis et quelque part, je leur avais sauvé la vie. Est-ce que c'est le destin ? J'en sais rien, mais c'est un moment de ma vie gravé à jamais. Voilà, témoignage avec Marie Régnier, le terrorisme qui frappe la première puissance mondiale en 15 ans. Philippe Gasseau, l'Amérique a profondément changé. Il y a 15 ans, les Américains devaient admettre qu'ils n'étaient plus invulnérables et que leur suprématie avait fait son temps. Le pays est toujours en état d'urgence. La Bible du droit, c'est encore et toujours le redoutable et liberticide Patriot Act voté le 25 octobre 2001. Il y a aussi Guantanamo où un prisonnier peut être détenu sans jugement et sans limite. L'Amérique, au nom de la sécurité, a accepté cet état de non-droit. Les écoutes, les perquisitions, elle a eu du mal à renoncer à la torture, pas encore aux assassinats ciblés ou aux drones dévastateurs. Celui qui, avant les attentats, était un original, est devenu un suspect. Le délateur est devenu, lui, un patriote. L'Amérique est un pays en état de siège. Une guerre peut éclater à tout moment. Le terrorisme et la sécurité obsèdent la campagne présidentielle. Elle sera d'ailleurs interrompue aujourd'hui pour cause de 11 septembre. Philippe Gasseau, le correspondant d'RMC aux États-Unis. Une première mise en examen dans l'affaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvée à Paris il y a une semaine. Ornella, 29 ans, c'est la première de ces femmes écrouées hier soir. Ce matin, 5 gardes à vue sont toujours en cours, dont 3 femmes du commando. La menace terroriste en France, à coup d'appel à la vigilance, le gouvernement a créé depuis l'an dernier une sorte de climat de tension et c'est un avis rarement entendu que défend le philosophe Michel Serres. Pour lui, il faut relativiser. La dernière cause de mortalité dans le monde, c'est guerre, violence, terrorisme. Si vous regardez par exemple ce nombre-là par rapport au nombre de gens morts à cause du tabac, à cause des accidents de voiture, les fabricants de cigarettes sont beaucoup plus dangereux que Daesh, des millions de fois plus dangereux. Loin de moi l'idée évidemment de mépriser ces phénomènes-là et de ne pas avoir pitié, une grande pitié des victimes, bien entendu. Mais c'est vrai que nous sommes sensibles à la violence, que moins on vit dans la violence, plus on est sensible à la violence. Et Michel s'est interrogé par Marie Régnier. Le procureur de Paris, François Molins, n'a pas interféré dans le débat politique. C'est le rappel à l'ordre signé Nicolas Sarkozy ce matin. Dans le JDD, François Molins avait critiqué les propositions du candidat à la primaire Les Républicains pour lutter contre le terrorisme, en l'occurrence de placer les fichiers S en rétention et de créer un parquet national antiterroriste. La politique, et ce week-end, c'est la gauche de la gauche qui se fait entendre à La Rochelle, université d'été des frondeurs, qui une nouvelle fois appelait hier à l'organisation d'une primaire de toutes les gauches, socialistes, communistes, écologistes, ainsi que Jean-Luc Mélenchon, qui leur a répondu hier, il était à la fête de l'humanité. Si je dois tendre la main, on me dit « Tendez-vous la main, monsieur Montebourg, tendez-vous la main, monsieur Hamon, madame Dufour. » Mais mille fois oui. Mais commencez d'abord par quitter vos partis. Parce que vos partis soutiennent le gouvernement. Je ne vais pas à cette primaire parce que je n'accepte pas un résultat dans lequel ce serait un partisan de la politique gouvernementale qui l'emporterait. Jamais je ne ferai campagne pour cette politique parce que je l'ai combattue pendant 5 ans. Et le 15 septembre prochain, je serai encore dans la lutte, dans la rue contre la loi El Khomri. Voilà Jean-Luc Mélenchon au micro d'Antoine Perrin. La rentrée du mois de septembre, cette étude qui pour la première fois fait un lien entre le retour des vacances et le nombre de divorces. Étude américaine qui démontre que les congés d'été ont été justement l'occasion de faire un point sur sa vie et parfois de remettre beaucoup de choses en question. Martin Cadoret. On est parti ensemble, on est parvenu ensemble. Cet été, Élise est allée à la mer avec son mari et ses enfants, mais elle a dû se rendre à l'évidence. Les vacances sont venues vraiment clôturer le fait qu'on ne s'entendait pas, quoi, et que c'était plus possible. Ça s'est fait comme toute séparation, avec des vrais moments difficiles, mais la notion de vacances ramenait toujours un peu de soleil et de détente par rapport à ce moment de crise. Le couple a aussi pu réfléchir plus sereinement à une nouvelle organisation pour les enfants. Les vacances ont permis ça, surtout envisager par rapport au changement d'école, à la nouvelle rentrée de nos enfants. Tout ça, ça s'est réfléchi et ça s'est réfléchit aussi dans l'intérêt de chacun. Élise et son mari ont aussi fait des séances de médiation familiale avec un psychothérapeute, Pascal Anger. La rentrée, comme le 1er janvier, c'est le moment des résolutions, mais en tout cas c'est une prise de conscience que quelque chose ne va pas et qu'il faut changer. Donc septembre peut être un moment où on décide de changer. Se mettre d'accord, c'est aussi plus rapide. Depuis mai 2016, les époux peuvent divorcer par consentement mutuel sans passer devant le juge. Le reportage de Martin Cadoret, 7h06 sur RMC. La rentrée, ou du moins le début de saison, pas vraiment folichonne non plus pour l'Olympique Lyonnais. Quatrième journée de Ligue 1, défaite 3-1 à domicile face à Bordeaux hier soir, Vincent Delzesco. Avec deux défaites en quatre matchs, l'attaquant Rachid Ghezal est bien conscient des carences de l'Olympique Lyonnais. On a beaucoup de mal en ce début de saison à retrouver les valeurs qui faisaient notre force la saison passée, mais on doit vite rebondir. Mais ce qui embête le plus le président Jean-Michel Aulas, ce sont les blessures. Avec la rechute d'Alexandre Lacazette, Lyon doit se passer de 5 de ses cadres. Les blessures, ça c'est plus embêtant parce que ça ne nous permet pas d'aborder psychologiquement le match de Zagreb dans les meilleures conditions possibles. Et difficile pour Rachid Ghezal de ne pas douter, sachant son meilleur coéquipier indisponible pour le prochain match. Forcément, c'est sûr qu'on perd notre leader d'attaque, on perd notre meilleur buteur, donc on a forcément de l'inquiétude. Après, c'est à nous aussi de prendre ça sur nos épaules et d'aller de l'avant. Alors à Lyon de lever les doutes mercredi en Ligue des Champions contre Zagreb. Angers, Dijon 3-1. Les autres résultats, 2-0 pour Nancy à Lorient, Bastia bat Toulouse 2-1, un partout entre Guingamp et Montpellier. Aujourd'hui, tous les regards seront tournés vers Nice parce que le choc contre Marseille est alléchant, mais surtout parce qu'on devrait enfin voir Mario Balotelli sur la pelouse. Le rugby. Et Clermont qui s'est vengé hier soir, vengé de sa demi-finale perdue la saison dernière face au Racing. Les Clermontois ont battu le champion de France en titre 47-10. Superbe première pour la recrue auvergnate Rémi Lamera. Je pense que tout joueur rêverait d'une première comme ça quand il change de club. Ouais. J'avais connu ça, mais avec l'équipe adverse, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on rentre sur ce terrain, c'est assez prenant. On l'a vu encore plus avec une première à domicile de la saison. Après, plein de vue du résultat, on l'espérait. Peut-être pas le point de bonus et peut-être pas avec un score aussi large, mais tant mieux pour nous parce que c'est une très belle opération face aux champions de France en titre. Des victoires également hier pour le Stade français, Montpellier, La Rochelle et Bordeaux-Bègles. Et puis un mot de voile parce que la Coupe de l'América se prépare à Toulon ce week-end. Régate préliminaire d'entraînement pour l'équipe française, notamment Groupama Team, et compétition spectaculaire sur d'immenses multicoques avec Franck Camas à la barre. Les Français adorent la voile, adorent les courses au large, les grandes courses qui partent autour du monde ou la route du Rhum. Ils connaissent moins ce type de course qui est la Coupe d'América. Donc voilà, c'est bien de montrer au public ce qu'est devenu la Coupe d'América. Ça a bien changé. Depuis une dizaine d'années, les bateaux ont changé, le format a changé. On est très très proche du public. On est vraiment dans un stade nautique. On essaye d'être dans un stade nautique. Donc voilà, c'était l'occasion avant la vraie Coupe de l'América qui se tiendra l'année prochaine aux Bermudes. Ah voilà, Franck Camas avec Camille Gelpi. Il est 7h09 pile, François Sorel. Un peu la bourre, mais les courses quand même. Oh, ça va Thomas. L'information est dense en ce moment, c'est pour ça aussi. C'est ça. Vous savez qu'il y aura un tiercé quartet quinté plus cet après-midi à Chantilly, mais se disputera également le Qatar Prix Vermeil cet après-midi. C'est la sixième étape des Epic Series. Mais concernant le tiercé quartet quinté plus, les pronostics de la Dream Team, Sébastien Darras nous recommande le 3, Hello My Love, le 16, Star Sun. Brahim Asloum nous conseille le 10, Zeppelin, et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 9, Follet. Hélas, Écureuil, le 3, le 16, le 10, le 9 et l'As. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris sportif, Paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Nous voilà de retour sur RMC, il est 7h10. Merci d'être là comme chaque dimanche, le week-end des experts. Vous savez que le samedi c'est le jardin et la maison, peut-être étiez-vous avec nous hier. Tout à l'heure ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Avec Jean-Luc bien sûr on traitera de toute l'actualité automobile. Jean-Luc répondra à toutes vos questions auto au 3216. Faut-il rouler au super éthanol 85? On reviendra aussi sur cette polémique, hein, ce groupe sur Facebook qui communiquait en fait tous les radars dans une région. Il a été relaxé ce groupe suite à de longues suites judiciaires. Et puis on retrouvera l'actualité de la semaine avec automoto.com. L'essai de la semaine, ce sera la nouvelle Peugeot 2008 PureTech. L'automobile donc à partir de 8h. Mais dans l'immédiat, deuxième acte de notre rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Et avant de retrouver notre vidéo LOLCAT de ce matin, avant d'évoquer une école pour lapins, avant de parler de médiation animale aussi, Avant aussi de faire un focus sur les dauphins qui sont en danger sur les côtes bretonnes, nous allons évoquer le cheval, Laetitia, qui peut être un employé municipal. Et oui, et c'est une tendance qui se confirme. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, il y a un congrès, un équi-meeting. Un équi-meeting sur le cheval territorial qui aura lieu à Angers. Et nous sommes avec Marion Lotte de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui organise justement ce meeting. Marion, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, le cheval territorial, c'est un peu l'employé municipal des communes. Bien souvent, il s'agit d'ailleurs de chevaux de trait. Alors, dites-nous si c'est une réelle tendance en France et combien de villes emploient des chevaux ? Alors, effectivement, c'est plutôt une réelle tendance en France. Les chiffres peuvent être très variables. On avait entendu à peu près entre 70 et 200. Donc vous voyez que peuvent être différents. Oui, en fait, c'est lié au fait que 200 communes, c'est plutôt 200 communes qui ont à un moment utilisé le cheval, mais de manière récurrente ou uniquement ponctuelle. Et 70 communes, ce serait plutôt celles qui l'utilisent vraiment de manière importante et régulière dans l'année. Alors, ils l'utilisent pourquoi ? Je sais que certains chevaux sont employés à la collecte des déchets, mais je pense qu'il y a d'autres rôles aussi. Alors, effectivement, on a vu apparaître assez récemment du transport scolaire aussi. Donc, on transporte les enfants à l'aide de voitures tirées par des chevaux de trait. Donc, un cheval ou deux chevaux. Mmh. Voilà, bah, du coup, les enfants aiment bien aller à l'école. Effectivement, et c'est notamment la ville de Vendargues, dans le sud de la France, qui a été vraiment, non pas pionnière, mais par contre qui aujourd'hui l'utilise vraiment de manière très régulière, avec jusqu'à 3 voitures utilisées chaque jour pour transporter les enfants de Vendargues à l'école. C'est génial ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc les déchets, mais il y a aussi tout ce qui est espace vert ? Alors exactement, vous avez toute la partie entretien des espaces verts, parce que aujourd'hui, derrière un cheval, vous pouvez mettre ce qu'on appelle un petit véhicule qui s'appelle un avant-train, derrière lequel vous allez fixer une remorque, donc qui peut soit contenir de l'eau, soit éventuellement avoir une petite grue pour aller aussi chercher des sortes de poubelles enterrées. Vous avez aussi la possibilité de mettre des petites tondeuses ou des petites faucheuses. Donc aujourd'hui, en plus, il y a des constructeurs qui se sont vraiment posé la question du matériel qu'on pouvait mettre derrière le cheval de trait avec son avant-train. Et du coup, ça multiplie le type de travaux que vous pouvez faire aux chevaux. Alors, qu'est-ce qui motive les communes à avoir un cheval territorial, à part l'image, le folklore, on va dire, quelle est la plus-value d'un cheval territorial ? Alors justement, aujourd'hui, je pense que c'est plus du tout l'aspect folklorique qui est mis en avant, mais bien les aspects qui sont tous liés au développement durable. C'est-à-dire que mettre un cheval en ville, en fait, c'est d'abord recréer une forme de lien entre les gens, puisque l'utilisation du cheval permet en fait de créer une connexion entre les gens qui l'utilisent et le public, en fait. Donc ça, ce lien, il est très important. Ensuite, C'est écolo aussi. Oui, voilà, tout à fait, c'est écolo. Donc effectivement, une fois qu'on a résolu la problématique éventuelle du crottin en ville en utilisant des ramasses crottins, tout simplement, on peut tout à fait avoir une énergie du coup qui est quasiment sans pollution, c'est-à-dire que le cheval fait un bruit minimum. Au contraire, le pas des chevaux sur le bitume, c'est plutôt un son agréable, en tout cas pour tous les gens qui ont eu la chance d'avoir des chevaux en ville. Effectivement, ça ne dégage pas d'odeur nauséabonde. Ça ralentit effectivement un peu la circulation. Et aujourd'hui, on a aussi des maires qui s'en servent comme un argument, puisque ralentir la circulation en ville, ça peut être aussi intéressant. Et puis, on a réussi à prouver qu'à moyen et long terme, c'était économiquement viable. Ah, bah justement, ça coûte combien ? Est-ce que le cheval appartient à la ville ou est loué par la ville ? Alors, on peut avoir tout à fait deux types en fait de systèmes qui sont mis en place. On a un premier système qu'on appelle en régie, où la ville fait le choix d'acquérir l'ensemble, c'est-à-dire le cheval, le matériel qu'on met avec le cheval, et puis la commune fait former aussi les personnes qui vont agir avec le cheval. C'est très important, la formation. Donc ça, c'est le premier système. Et le deuxième système, c'est de faire appel à un prestataire de service. On en a quelques-uns aujourd'hui qui se sont spécialisés et donc qui n'agissent pas toujours avec les mêmes communes, mais qui rendent des services, donc sous forme de prestations, à des communes. Et c'est un grand investissement pour la commune ? Tout dépend en fait du nombre de chevaux que vous allez acquérir, des structures que vous avez pour maintenir les chevaux et les entretenir au quotidien, et du type de travaux que vous souhaitez leur faire faire. Bah, quelle est la vie justement d'un cheval municipal? Comment on... parce que en ville c'est pas voilà, il n'est pas à la campagne dans les champs. Comment s'assurer de son bien-être? Alors pour s'assurer de son bien-être, il faut penser qu'à un moment d'abord, ce cheval, il faut qu'il soit d'abord dans une caractéristique morphologique, c'est-à-dire que sa morphologie soit complètement adaptée au travail qu'il va faire. Donc la première chose à vérifier, c'est que vous preniez un cheval qui ne soit pas trop jeune, qui soit en très bon état. On parle notamment d'aplomb. Il faut que ses pieds soient droits. Il faut qu'il ait une musculature qui lui permette de répondre d'abord aux efforts en fait qu'on va lui demander de fournir. Ça, c'est le premier point important. Et ce sont souvent des chevaux de trait. Tout à fait. C'est souvent des chevaux de trait. En France, on a la chance d'avoir 9 races de trait différentes. Oui. Et par conséquent, ça nous permet un peu de choisir en fonction des types de travaux et de la région où on se trouve le type de cheval qu'on va utiliser. Si on veut faire plutôt des travaux de traction un peu lourdes, du débardage, des choses qui vont nécessiter de la puissance, on va partir sur des chevaux type percheron ou breton ou trait du Nord. Si on a besoin de chevaux un peu plus vifs, un peu plus légers, on va partir sur des races comme le Cob Normand ou le Boulonnais. D'accord. Et alors, c'est quoi leur vie en ville? Alors, leur vie en ville, en fait, ils ont un emploi du temps. Comme les agents municipaux ont un emploi du temps, le cheval en ville, du coup, il a un emploi du temps. Il fait les 35 heures par semaine? Alors non, en fait, c'est pareil. Le nombre d'heures réalisables par un cheval au quotidien, il est complètement dépendant, en fait, du travail que vous lui faites faire et de la topographie. Une ville qui aura beaucoup de pentes, vous n'allez pas forcément faire les mêmes efforts ou la même longueur d'effort à une ville qui sera complètement plate. Et tout dépend de ce que vous allez faire tirer au cheval. Donc ça, c'est plusieurs heures de travail par jour, mais qui sont dépendantes de l'intensité de l'effort. Et donc, on prévoit aussi qu'il y ait des phases où le cheval puisse aussi, à l'intérieur de la semaine, sortir au paddock, avoir une activité qui soit autre. Ouais. Tout le temps monter, mais un peu attelé aussi, ou pas tout le temps attelé, mais un peu monter, de manière à ce que le cheval ne soit pas non plus trop dans une routine. Alors, ce sont plutôt des petites communes qui prennent des chevaux. Ils dorment où le soir ? Alors, ça dépend de l'organisation des communes. Pour certaines, en fait, il y a des communes qui avaient la chance, par exemple, d'avoir à l'intérieur même de la commune des parcs ou des centres équestres municipaux, et donc qui permettent d'avoir aucune difficulté particulière pour que le cheval ait un lieu particulier. Après, on a vu aussi des communes construire entièrement pour les chevaux territoriaux des installations spécifiques, donc des écuries en ville. Mmh. Alors, est-ce qu'ils ont des vacances ? Les congés payés, c'est fait aussi pour RTT. Alors, on va pas parler de congés payés ou de RTT, mais en fait, c'est nécessaire de prévoir des périodes de vacances pour les chevaux territoriaux, parce qu'effectivement, vous l'avez très bien signalé tout à l'heure, c'est que le cheval, il n'est pas dans son environnement naturel. Il va être soumis à du bruit, à des lumières, à une ambiance qui, effectivement, est pas tout à fait celle dont il a l'habitude. Par conséquent, oui, on va prévoir d'abord dans chaque semaine de prévoir un ou deux jours de repos de manière à ce que le cheval puisse avoir une vie de cheval normale, on va dire, c'est-à-dire être au paddock, être en pâture, éventuellement avec d'autres congénères. C'est important aussi, le cheval, c'est quand même un animal grégaire. Et puis surtout, dans l'année, on va prévoir qu'à un moment, le cheval ait une mise au repos plus importante, de l'ordre jusqu'à un mois, comme un enfant qui partira en vacances. Après, ce à quoi il faut faire attention, c'est la remise au travail qui doit être progressive. Et en fait, il n'y a pas de devoir de vacances, si vous voulez, pour un cheval de trait. Mais par contre, il y a une remise au travail qui va permettre de le réutiliser à nouveau et de repartir pour une année. Parfait. Pour éviter le blues de la rentrée. Merci beaucoup, Marion. C'est, voilà, c'est comme nous, en fait. Comme nous. Merci, exactement. Marion Lotte. De l'Institut français du cheval et de l'équitation. Qui organise l'équi-meeting cheval territorial à Angers cette semaine. Voilà, et quand on croisera des chevaux comme ça maintenant dans nos villes, eh bien, j'imagine qu'on les appréciera différemment. 7h20, on revient dans un instant. Laetitia, après les chevaux, on va parler d'un sujet un petit peu plus grave, des dauphins, parce que les dauphins seraient en danger. Peut-être. Hein. En tout cas, ceux qui sont sur les côtes bretonnes, on en parle dans une minute. A tout de suite, c'était RMC. RMC, 6h-8h. Vos animaux. Ça veut dire quoi être cool pour Darty ? Être cool, c'est être détendu après ses vacances, c'est vivre la rentrée avec l'esprit tranquille, c'est voir l'horizon sans nuages, les prairies avec des licornes, un lave-linge à prix cassé. Bref, c'est être cool, quoi. La rentrée est cool chez Darty. Profitez de nos meilleures offres. Par exemple, du 8 au 15 septembre, le lave-linge 10 kg Thomson TW1016 est à 549 € seulement, au lieu de 699, soit 150 € d'économie. RMC Basket. Salut, c'est Tony Parker sur RMC. Retrouve-moi à l'Apart City Cup. Pour son dernier match en France, Tony Parker vous donne rendez-vous à Nantes Métropole le week-end prochain. Un show à l'américaine avec le Bayern Munich, le club espagnol de Valence, l'ASVEL Lyon-Villeurbanne, l'AS Monaco et Nanterre 92. Toutes les infos sur apartcitycup.com. L'Apart City Cup avec RMC. RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Nous sommes de retour sur RMC, le week-end des experts, les animaux. Et notez que dans quelques instants, on retrouvera la météo et les infos de 7h30. Après les chevaux, Laetitia, on va parler des dauphins, les grands dauphins qui seraient en danger sur nos côtes françaises. En tout cas, c'est la question que l'on peut se poser après les résultats d'une étude. Celle de Cyrielle Zanutini, du groupe d'études des cétacés du Cotentin, que nous avons aujourd'hui avec nous. Bonjour Cyrielle. Cyrielle, bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, selon votre étude, les grands dauphins dans la Manche seraient contaminés. C'est une étude que vous menez depuis 3 ans. Quels sont les contaminants et comment avez-vous mené cette étude? Oui, alors, voilà, c'est l'issue de 2 ans d'études. L'étude n'est pas encore tout à fait finie. Oui. Mais on a sorti un premier rapport qui effectivement mesure certains polluants. Donc, c'est des polluants plutôt historiques, c'est-à-dire c'est des polluants qui sont déjà maintenant, pour la plupart, interdits, ou en tout cas soumis à restriction. Comme le mercure. Comme le mercure, par exemple. Et nos résultats montrent en fait des concentrations importantes en mercure, justement, et en PCB, qui sont en fait des polluants industriels. Alors, comment concrètement vous avez fait pour faire des prélèvements sur les dauphins? Ça doit pas être évident. Vous leur avez pas dit, allez, je te prends un peu de sang, je remets dans l'eau? C'est là, effectivement, qu'il y a en fait toute la difficulté de l'étude, c'est en fait récupérer des échantillons. Donc, il y a deux solutions, hein. Donc, soit c'est lorsque les animaux s'échouent morts sur les plages, où on peut là prélever en fait différents tissus, quoi. Par exemple, du foie, du rein, du muscle et du lard. Oui. Et sinon, sur les vivants, c'est par arbalète, en fait. Il est muni d'un petit trépan qui permet en fait de prélever un petit morceau de peau et un petit morceau de lard, en fait. C'est la couche de graisse qui est assez importante, en fait, chez les grands dauphins et enfin chez les mammifères marins en général. Et c'est dans cette graisse qui est concentré, en fait, tous les polluants que vous détectez après? Voilà, donc en fait, c'est une couche où on va retrouver ce qu'on appelle les polluants organiques, c'est-à-dire les polluants qui vont être attirés par les lipides. Et s'accumulent au fur et à mesure de la vie de l'animal. Et les grands dauphins vivent très longtemps, ils vivent à peu près... Alors, on ne sait pas exactement, nous, dans notre région, combien de temps ils vivent, mais on peut estimer entre 40 et 50 ans d'espérance de vie. Et du coup, ils accumulent. Leur... Mmh. Voilà, c'est ça. En fait, c'est des substances qui sont très, très peu dégradables. Et que en fait, le système de détoxification de l'animal n'est pas du tout habitué à rencontrer. Donc, en fait, il ne sait pas bien les transformer, les métaboliser. Et il va les stocker en fait, tout au long de sa vie dans sa couche graisseuse. Alors, la question qu'on se pose, bien sûr, c'est vous avez trouvé vraiment des taux élevés de polluants dans ces prélèvements là quand vous avez été les chasser, enfin on dit entre guillemets, hein, dans le sens où vous avez été prélever ces petits bouts d'échantillons. Mais est-ce qu'ils mettent en danger la vie, la santé de ces dauphins? Alors c'est là aussi que se joue toute la complexité de l'étude, c'est quand même des animaux du coup qui sont sauvages, où on a finalement peu de moyens de les étudier. C'est pas des souris de laboratoire qu'on peut étudier comme on veut, etc. Ils sont pas dans un enclos, ils sont pas voilà. Exactement. Donc il faut aussi savoir que au final c'est un petit peu triste à dire, mais finalement tous les mammifères marins et tous les grands dauphins du monde sont contaminés en fait. Donc on n'a pas non plus de population de référence où on pourrait avoir des taux normaux d'hormones, etc. On ne sait pas vraiment très bien. Mais par contre, il y a eu quand même des études qui ont été faites, alors que ce soit in vitro ou par des grandes études qui ont duré très longtemps, etc. On a réussi quand même à mettre en place des seuils de toxicité. Oui. Enfin, pas moi personnellement, mais dans la littérature scientifique, il y a des groupes d'études aussi qui ont travaillé sur ce sujet. Et effectivement, il y a des seuils de toxicité qui ont été mis en place. Et les dauphins, justement, de la Manche dépassent très, très largement en fait, ces seuils. Plus de 8 fois, par exemple, pour les PCB. D'accord. Et vous n'avez pas... Donc, effectivement, on peut là mettre... en évidence un danger en fait sur leur santé. Ouais. Bah, on imagine parce que déjà nous on fait très attention pour le poisson qu'on mange parce que ils mangent ils sont en haut de la pyramide alimentaire donc ils mangent des poissons mais nous aussi on mange les mêmes poissons donc on imagine un petit peu aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait être tout aussi contaminé qu'eux finalement. Exactement. Ouais. Voilà. Alors la différence quand même, il y a des petites différences pour nous rassurer, c'est que voilà, par exemple, l'humain a une alimentation très variée, se nourrit pas que de poissons, se nourrit aussi de végétaux et d'autres protéines également. Du coup, ça permet aussi d'avoir moins de polluants, par exemple, chez les humains, mais c'est certain que chez l'homme, c'est la même chose. Et puis on mange pas autant de poissons qu'eux aussi. Et on mange pas, voilà. C'est ça. Ils ont une demande énergétique qui est très très importante parce qu'ils vivent voilà dans l'eau. Ils ont cette couche de graisse très importante. Donc ils ont un mode de vie qui leur demande une grande énergie. Et du coup, ils mangent effectivement de très grandes quantités de poissons. Et ils ont aussi cette couche de lard qui est très importante à la différence des humains. Donc qui permet vraiment le stockage de ces substances. Et en plus, par rapport aux humains, ils ont aussi un système justement de capacité de transformer ces molécules qui est plus faible en fait que chez les humains. Alors Cyrielle, je vous propose qu'on revienne dans un instant. Je ne savais pas qu'on parlait de lard de dauphin, Laetitia. Moi, je pensais que le lard, c'était que chez le cochon. Et bien non, il y a du lard de dauphin. Le lard, c'est la graisse sous la peau. Exactement. Donc, voilà. Mais j'apprends quelque chose encore une fois ce matin. Il est 7h28. On revient dans un instant. On évoque donc ces grands dauphins en danger sur les côtes bretonnes. Ils seraient, on va dire, contaminés par certains polluants et notamment le mercure. On en reparle dans un instant. Le 3216 et animaux@rmc.fr pour nous joindre. La météo, les infos. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,30€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Ma femme est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle ne se rend compte de rien. Je la vois décliner. Je viens d'apprendre que mon conjoint est atteint par la maladie d'Alzheimer. Je voudrais savoir où m'informer et qui peut m'aider à gérer le quotidien. J'ai entendu parler d'une formation des aidants. Mais pour s'organiser, c'est un peu compliqué et puis il y a le prix. Un malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide. Renseignez-vous sur la formation des aidants de l'association France Alzheimer. C'est partout en France et c'est gratuit. Rendez-vous sur le site aidants.francealzheimer.org. Free State of Jones, avec Matthew McConaughey, le combat d'un homme pour la dignité. Aucun homme ne doit dire à un autre homme pourquoi il doit vivre, ni pourquoi il doit mourir. Dans le tumulte de la guerre de sécession, d'après une extraordinaire histoire vraie, Free State of Jones. On se bat pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Free State of Jones, le 14 septembre au cinéma. Et c'est avec Yasmina Benbekaï qu'on fait un point sur la météo de ce dimanche. Bonjour Yasmina. Bonjour François, bonjour à tous. Des nuages et des éclaircies pour ce dimanche avec ce matin des petites pluies entre la Gironde, la région centre, l'Île-de-France et les Ardennes. Hier c'était quand même une belle matinée. Au fil des heures, cette pluie faible va disparaître. Mais le ciel restera nuageux, notamment entre le bassin parisien et les frontières belges. Quelques averses, voire des orages se développent sur les Alpes frontalières et la montagne corse. Sinon partout ailleurs, c'est une belle journée ensoleillée. Les températures cet après-midi, 20 degrés à Cherbourg, 24 à Paris, 30 degrés à Strasbourg et à Bordeaux et 33 à Marseille. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC, 7h30. Un point sur l'actualité, Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Une première mise en examen dans l'affaire de la voiture remplie de bonbonnes de gaz retrouvée à Paris il y a une semaine. Ornella, 29 ans, c'est la première de ces femmes écrouées hier soir. Ce matin, 5 gardes à vue sont toujours en cours, dont 3 femmes du commando. La réaction du ministre de la Justice après l'agression d'un surveillant de prison cette semaine. Jean-Jacques Urvoas veut changer les conditions de détention des personnes radicalisées. Multiplication des fouilles et des changements de cellules récurrents, c'est ce que propose le ministre ce matin dans le journal du dimanche. Toujours dans le JDD, longue interview de Nicolas Sarkozy ce matin qui donne ses réponses pour lutter contre le terrorisme. Appliquer systématiquement le principe de précaution, rétention administrative pour les individus jugés dangereux et expulsion des étrangers suspects. Le terrorisme qui frappait il y a 15 ans jour pour jour, qui frappait la principale puissance mondiale. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre, jour de commémoration. Le nom des 3000 victimes seront égrenés à grande zéro. La question migratoire est ce chiffre qui fait frémir. 2300, c'est le nombre de personnes secourues en Méditerranée sur la seule journée d'hier. Opération menée par des navires espagnols, irlandais et d'autres appartenant à des ONG. En tout, les occupants de 17 embarcations de fortune ont dû être secourus. Les sports, le football, Monaco leader de Ligue 1 après 4 journées. Monaco qui est allé écraser Lille hier soir 4-1. Lyon, par contre, n'avance pas. Défaite 3-1 à domicile face à Bordeaux. Même score pour Angers face à Dijon. 2-0 pour Nancy à Lorient. Bastia bat Toulouse 2-1. Un partout entre Guingamp et Montpellier. La clôture de cette quatrième journée, c'est ce soir Nice qui reçoit l'Olympique de Marseille. 7h32 sur RMC. Vous êtes avec Laetitia Berlerin et François Sorel, vos animaux. Merci beaucoup Thomas et vous revenez à 8h pour évidemment développer tous ces titres d'actualité. Dans un instant, le retour de vos animaux avec notre vétérinaire Laetitia Berlerin. A tout de suite. Si un jour vous cherchez la fréquence d'RMC, ayez le réflexe 3216. Toutes les fréquences d'RMC sur simple appel. Là, tiens, attention, petite question flash. En moins de 2 minutes, vous vous engagez à répondre à la question de Louane. Ma chatte blanche va avoir des chatons, là, tiens. Ça doit être la folie à la maison, là. Hein. Tout le monde est hyper excité. J'ai 12 ans et je ne sais pas ce que je dois faire pour préparer leur venue et aider Blanche, donc. Avez-vous quelques conseils pour moi? Alors, Louane, d'abord, il faut, voilà, ne pas stresser. Tout va bien se passer. Hein, voilà. Voilà, d'accord? Vous allez, tu vas voir Louane, hein, quand elle va commencer à être fatiguée, à rester à l'intérieur, hein, ça sera les premiers signes. Puis elle commencera à ne plus manger, elle va s'isoler, elle va gratter un endroit et va faire ses petits dans cet endroit. Alors tu peux préparer son nid, ça c'est vrai, tu peux lui préparer un nid vraiment à l'écart, dans un coin, oui, avec des serviettes éponges, hein, pour la mise bas. Et peut-être qu'elle ira dans ce nid, ou peut-être qu'elle ira sur ton lit par exemple, oui, pour faire ses petits, c'est elle qui va choisir. Il ne faudra rien faire. Si elle veut que tu sois là, tu la caresseras, tu lui donneras des paroles douces, mais il faudra pas stresser. Il faudra juste désinfecter le cordon ombilical des petits avec de la bétadine. Et il faudra juste veiller à ce que tous les petits aillent à la mamelle. C'est très important qu'ils boivent le premier lait. Et puis ce que tu pourras faire, Louane, dans les jours qui suivent, c'est tous les jours manipuler les petits et les peser. D'accord. Parce qu'il faut qu'ils prennent du poids tous les jours. Si tu vois qu'un des chatons ne prend pas de poids, tu lui donnes un biberon avec du lait maternisé. Qu'on achète là, dans le commerce, c'est voilà, ça chez, chez le vétérinaire. Voilà, sans problème. Et si vraiment mais c'est du lait maternisé pour animaux, c'est pas du lait maternisé pour bébé. Pour hein. animaux, hein, voilà, pour chiens et pour chats, hein, c'est vraiment du lait très spécial. Ne lui donne pas du lait pour bébé, hein, pour bébé en bas âge. Et puis, dis-toi aussi que la mise bas peut durer de 1 à 8, de 1 à 8 heures, voire plus pour la première mise bas. D'accord. Ne pas s'inquiéter. Et là, on laisse faire. Et voilà. On laisse faire et le miracle de la vie s'accomplira. Bien sûr. 32-16 pour toutes vos questions animaux sur RMC. On vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h35, c'est RMC, le week-end des experts et les animaux. Et puis, tout à l'heure, ça sera Jean-Luc Moreau qui nous rejoindra pour 2 heures dédiées à l'automobile comme chaque dimanche matin. Tout va bien, Laetitia ? Tout va bien, bon, tout va bien. Tout à l'heure, on va parler de médiation animale. Animale. On découvrira aussi une école pour lapins. Alors là, franchement, je suis un petit peu dubitatif quand même. Mais d'ici là, on évoque eh bien, les grands dauphins qui seraient en danger sur les côtes bretonnes. En tout cas, ils sont contaminés. Ils sont contaminés. C'est les résultats, les premiers résultats d'une étude menée par Cyril Zanutini, pardon, du groupe d'études des cétacés du Cotentin, qui est toujours avec nous, Cyril. Alors, on parlait là pendant les informations avec François, on parle de grands dauphins dans la Manche, donc vous avez des résultats, ils sont contaminés par divers polluants, dont le mercure, mais est-ce que l'on peut dire que tous les dauphins, est-ce que par exemple dans la Méditerranée, les dauphins sont concernés aussi, dans d'autres mers? Oui, tout à fait, et particulièrement aussi la Méditerranée qui a aussi des records de pollution. Et oui. Oui, tout à fait. Là, c'est vrai que c'est une étude qui est assez de grande envergure, en fait, parce qu'on a beaucoup d'échantillons. Oui. Et ce qui nous permet, du coup, d'avoir une certaine une robustesse de l'étude. Des fois, il y a d'autres études qui sont faites avec moins d'individus, donc c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup, en fait, de facteurs à prendre en compte, comme le sexe entre les mâles et les femelles. Oui. Avec, oui, effectivement, les mâles qui sont souvent beaucoup plus contaminés que les femelles. Mais ils sont plus gros aussi. Peut-être qu'ils mangent plus. Alors souvent, ce serait plutôt le contraire, en fait. Bon, c'est plutôt la femelle qui va, effectivement, qui est un peu plus petite, mais c'est très difficile déjà de voir ces différences-là à l'œil nu. Mais elle va aussi beaucoup plus manger parce qu'elle a des cycles de vie, comme par exemple la reproduction, qui va générer une demande énergétique très importante, surtout pendant l'allaitement et la gestation. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a un transfert qui se fait vers, en fait, les petits. Alors, vous parlez de beaucoup d'échantillons que vous avez fait, parce qu'on a parlé juste avant les informations, comme quoi vous avez fait des prélèvements sur des dauphins vivants. Oui, comment faites-vous pour faire la différence? Parce que quand vous partez faire ces prélèvements, vous tombez sur un banc de dauphins. Comment faites-vous pour ne pas faire le même prélèvement sur le même dauphin? Ah ben alors là, c'est après, il y a un suivi qui se fait donc de ces animaux tout au long de l'année, depuis 2008 à peu près. Oui. Où en fait, on sait reconnaître chaque individu grâce en fait à leur aileron. D'accord. Et en fait, leur empreinte digitale, où au cours de la vie de l'animal, l'aileron va avoir des marques en fait au fur et à mesure, soit des griffures ou des encoches, qui va nous permettre en fait à, par la suite de les identifier chacun. Ah oui. D'accord. Ah d'accord. Voilà. Et alors, après, c'est arrivé quand même qu'il y ait eu parfois l'animal qui a été biopsié, en fait, deux fois. Ah oui, voilà. Le pauvre. Il n'a pas eu de chance. C'est des tout petits échantillons. C'est très rapide. C'est comme un peu une piqûre, une grosse piqûre. Oui, c'est pas quelque chose qui les traumatise. Alors, justement, vous parlez de suivi de population de dauphins. Dites-nous un peu, parce que je sais que vous avez vous faites des études avec ce groupe d'études des cétacés du Cotentin. Les populations se portent bien sur les côtes bretonnes et normandes? Alors, c'est encore une fois une question qui est assez compliquée à répondre parce que, comme je l'ai dit précédemment, on a fait le suivi que depuis 2008. Et comme c'est des animaux qui vivent très longtemps, ça nous donne pour l'instant très peu de recul pour savoir si effectivement la population elle augmente, elle diminue. Pour l'instant, nos études montrent plutôt qu'elle est stable, voire qu'elle augmente. C'est effectivement paradoxal par rapport à leur état de santé qui paraît... Ça vit combien de temps un dauphin en moyenne, Cyril? Entre 40 et 50 ans. Ah oui, ouais. D'accord. Voilà. Ouais, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a qu'une fenêtre de 8 ans, qui effectivement ne nous permet pas forcément de tirer encore des conclusions est-ce que la taille de la population est en augmentation ou pas. Ça, c'est encore difficile à dire. Nos résultats, plutôt qu'ils sont à l'augmentation, qu'il n'y a pas une baisse en tout cas radicale d'une année sur l'autre. Oui, ce qui est plutôt rassurant quand même. Bon, de toute façon, c'est plutôt rassurant. Voilà. Mais par contre, on voit qu'il y a peu de naissances. Mmh. Et en fait, il y a peu de petits qui vivent au-delà de l'âge de 3 ans. Et est-ce que les contaminants, ces polluants, peuvent être un facteur justement de mortalité des petits? Oui, justement, parce qu'il y a un transfert qui se fait via en fait la mère. Mm-hmm. Souvent, les petits ont un système immunitaire immunitaire et de métabolisation qui est plus faible qu'un adulte. Il se prend en fait une très grande dose de polluants à chaque fois et ça peut avoir en fait effectivement des lourdes conséquences. Mais encore une fois, c'est très difficile en fait d'attribuer une cause de mortalité avec un polluant. Parce qu'il va agir indirectement en fait. D'accord. Par exemple, le système immunitaire, il va l'appauvrir. Donc en fait, l'animal va mourir par exemple d'une infection. Mais ça va être causé indirectement finalement par la pollution. Merci Cyrielle pour toutes ces précisions. Merci Cyrielle. Voilà. Merci pour l'étude que vous faites sur ces grands dauphins. C'est quand même une étude unique. Oui. Et puis on prendra des nouvelles de nos dauphins plus tard, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Et on va évoquer maintenant un tout autre sujet, Laetitia. On va parler de médiation animale. Oui, et nous sommes avec Anne-Gaëlle Bresson de l'association Ciel Bleu. Anne-Gaëlle qui vient de recevoir un prix au dernier congrès international de médiation animale qui a eu lieu cet été à Paris. Et un prix pour son travail avec sa chienne dans une maison de retraite. Elle va nous expliquer ce qu'elle fait. Anne-Gaëlle, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes enseignante en activité physique adaptée. Alors, vous allez nous dire ce que c'est. Ce sont des activités physiques pour des personnes en situation de handicap ou en difficulté. Et vous venez d'être récompensée, comme je viens de le dire, pour un projet de médiation animale avec votre chien. Alors, comment vous est venue l'idée d'associer à vos activités votre chien? Alors, en fait, pour resituer un peu, l'activité physique adaptée, en fait, on adapte le sport aux personnes donc, qui ont des difficultés, des handicaps ou qui sont dans les maisons de retraite pour maintenir l'autonomie. Et en fait, tout simplement, un jour, j'étais dans une séance d'activité physique adaptée dans une maison de retraite. Et il y a le chien qui habite dans la maison de retraite, parce que ça arrive, qui est entré dans la salle où j'étais en train de faire mon cours. Et en fait, il y a une personne qui est très introvertie d'habitude et avec qui j'ai beaucoup de mal à travailler, qui s'est transformée à la vue du chien. Elle l'a appelé, elle a attrapé une balle pour lui lancer, elle s'est complètement transformée et là j'ai entendu le son de sa voix, parce que d'habitude elle parlait pas. Et là, c'est là que je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire avec l'animal pour des personnes dans de telles situations. Et j'ai ensuite eu la même expérience dans un autre établissement qui a eu des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, où une résidente, sa famille est venue avec leur chien. Et pareil, toutes les personnes qui étaient présentes se sont intéressées au chien et ma séance a été différente. Ils ont été beaucoup plus attentifs, beaucoup plus motivés, ils étaient souriants, c'était plus la même chose. Donc du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à monter dans la médiation animale et de mêler mon activité professionnelle à la médiation animale. Mais j'aurais jamais lancé ce projet si j'étais pas si j'avais pas eu un lien en fait avec les chiens dans ma vie personnelle, si j'avais pas eu une expérience en club canin, si on m'avait pas formée avant, en fait. Vous connaissez les chiens, vous savez les éduquer, enfin vous avez quand même des bagages, on va dire, concernant l'éducation canine, et vous avez adopté un chien, c'est ça? C'est ça. En fait, avant d'avoir la chienne qui m'accompagne dans mes séances, j'ai adopté deux chiens en SPA. Il y a 3 ans, qui avaient des problèmes d'éducation parce qu'ils avaient été maltraités, abandonnés, donc il y avait des soucis, il fallait les rééduquer. Et donc j'ai fait appel à une éducatrice comportementaliste sur Montpellier qui m'a beaucoup aidée pour rééduquer ces chiens. Et en plus, je me suis rendue dans un club canin qui utilise la méthode positive et qui m'a permis de rééduquer en fait ces chiens sur 3 ans et de les comprendre. D'apprendre à étudier le comportement canin, à comprendre pourquoi le chien mord, pourquoi il va grogner à ce moment-là, pourquoi est-ce que il faut pas frapper un chien quand il fait quelque chose parce qu'il comprendra pas. Et que la méthode positive où on utilise en fait la récompense, le plaisir, peut devenir aussi un plaisir pour en fait le maître. Travailler avec son chien devient un plaisir pour les deux. Il y a une complicité qui se fait et qui s'apprend comme ça dans des clubs canins où je vais et où on travaille vraiment dans le positif. Voilà, et j'imagine que là, les deux progressent à une vitesse folle, quoi. En plus, ça. Voilà. Et alors, 3 ans, oui. Est-ce que vous prenez ces chiens pour vos activités physiques ou alors, non. Vos séances? Du coup, j'ai pas choisi de prendre les deux chiens que j'avais adoptés en SPA parce qu'ils avaient un vécu qui était trop difficile. Je voulais pas leur faire revivre des choses qu'ils auraient pu vivre avant, étant donné que je connaissais pas leur passé. Et oui. Parce que il y en a un qui avait été frappé, donc on sait jamais les réactions des personnes qui peuvent avoir des déficiences. Si elles ont peur, par exemple, ou ou même si elles, l'animal s'assoit pas parce que bah il le fait pas et ça leur plaît pas, elles vont peut-être avoir envie de bah de, voilà, de le gronder comme peut-être elles avaient fait elles avec leurs animaux, et je voulais pas recréer ça sur mes chiens qui avaient déjà eu bah des problèmes. Donc j'ai choisi de prendre un chien. Mais là, par contre, je suis passée par un élevage pour pouvoir, dès la naissance, en fait, que le chien soit socialisé et qu'il ait peur de rien, en fait. Donc, j'ai fait un travail avec l'élevage aussi où j'ai récupéré ma chienne pour que vraiment elle soit adaptée à ce type d'activité. Alors, quel est le rôle de votre chienne qui est un berger allemand, hein, si je me souviens bien? C'est un berger allemand ancien type. Donc, c'est une race un peu plus ancienne que le berger allemand classique, qui est un peu plus robuste, elle est beaucoup plus grande. Elle a des poils longs et elle a le dos très droit. Elle n'a pas le dos courbé, voilà. Pour les personnes qui ne voient pas exactement ce que c'est. Alors, quel est le rôle de cette chienne pendant les séances? Donc, en fait, le rôle, à la base, je l'ai prise dès ces 2 mois en séance. Au début, elle ne participait pas du tout. C'était juste de la présence pour l'habituer. Et en fait, c'est de voir comment les personnes vont évoluer avec ce chien. Parce que y a des personnes que j'avais avant, sans le chien, qui participait très peu ou qui venait, mais bon, en fait je sentais bien que ça les motivait pas du tout. Oui. Ouais, pratiquement. Bah, ils sont pas obligés. Faire du sport, c'est... Il y en a qui ont du mal, surtout en maison de retraite. La réflexion qu'on me fait souvent, c'est moi j'en ai déjà fait toute ma vie, j'ai pas besoin d'en faire maintenant. Et donc en fait, il faut, on peut pas forcément leur dire oui, mais c'est pour vous maintenir, c'est compliqué à faire passer comme message. Alors que là, avec le chien, quand le chien est là, quand j'arrive avec la chienne, déjà, ils sont contents parce qu'ils voient un chien. Il y en a beaucoup qui n'ont plus cette présence-là depuis longtemps. Et ils voient la chienne, ils disent bonjour à la chienne avant de me dire bonjour. Et toujours. Ils vont dans la salle. Non, mais ouais. Moi, dans la rue, c'est pareil. On dit bonjour à mon chien avant de me dire bonjour, c'est pareil. Voilà. Là, c'est exactement ça. Et ils ont associé, pour la plupart, le fait que quand il y avait le chien, il y avait Jim. Donc là, c'est gagné. Ça veut dire qu'ils sont motivés pour y aller. C'est bon. C'est bien pour motiver les gens là, à faire du sport, en fin de compte. Moi, voilà. J'ai demandé au sport, au prof de sport de prendre un chien. Comme ça, tout le monde ira à la gym. Voilà, c'est un peu ça le principe. C'est de trouver une motivation. Et beaucoup, y en a qui disent « Ah, il y a la chienne, alors j'arrive ». Alors, elle fait aussi du sport. Enfin, j'imagine que dans ses activités, il y a par exemple lancer la balle ou des choses comme ça, non? Alors en fait, j'ai commencé progressivement, étant donné qu'elle avait 2 mois, je voulais surtout pas la dégoûter en fait de toutes ses activités. Donc au début, elle faisait juste acte de présence. Et quand on a un chiot de 2 mois, ça marche très bien. Et plus elle a grandi, plus on a commencé à mettre en place des exercices. Donc voilà, par exemple, envoyer la balle, mais il fallait aussi qu'elle la rapporte pour qu'il y ait aussi un plaisir mutuel. Et d'autres exercices où les personnes ont la balle dans la main doivent faire un parcours, parce qu'on travaille l'équilibre, on travaille la prévention des chutes. Donc ils font un parcours moteur, ils vont poser la balle à un endroit de la salle, et ensuite on demande à la chienne d'aller la chercher. Donc là, il y a un lien entre les deux exercices. Il y a le lien où la chienne va chercher la balle, mais eux vont poser la balle pour que la chienne travaille. Donc en fait, je fais le lien comme ça. Et des fois, en fait, elle ne participe pas du tout. Elle participe une demi-heure maximum. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. L'association Ciel Bleu, donc. Voilà. Voilà, avec un S. Avec un S. Dans le ciel. Merci. Merci. Bravo, en tout cas, pour la ce que vous faites. La médiation animale. Laetitia, alors là, le suspense reste entier pour ce qui va arriver. Vous allez nous parler d'une rabbit school, une école pour lapins? Une école pour lapins, oui. Alors, bien sûr. Je savais que c'était la rentrée pour beaucoup d'énergumènes, mais pas pour les lapins. Bon, on va découvrir ça dans un instant avec notre invité. 32-16 si vous voulez nous joindre. C'est votre rendez-vous animaux du dimanche matin. À tout de suite. RMC, vos animaux. Bonne nouvelle, à partir de demain sur RMC, tentez de gagner votre tablette tactile dans tous les shows. Bourdin Direct, Les Grandes Gueules, Radio Brunet, 100% Bachelot, Le Super Moscato Show et Team Duga. Une tablette tactile par show, 6 tablettes par jour, c'est pour vous. Écoutez RMC de 6h à 20h et devinez le code pour déverrouiller la tablette. Premier jeu demain dès 6h dans Bourdin Direct sur RMC. Tu sais qui est en tête du championnat de Ligue 1? La nouvelle appli du Figaro. Et tu sais qui va se présenter aux primaires? La nouvelle appli du Figaro. Tu connais un bon restaurant dans le coin? La nouvelle appli du Figaro. Politique, économie, sport, art de vivre. Pour vivre l'actu comme si vous y étiez, personnalisez votre actualité en fonction de vos centres d'intérêt. Nouvelle application du Figaro, l'info en temps réel. Éric, sociétaire Massif. Mon entreprise, c'est toute ma vie. Mais j'ai peu de temps pour la paperasse. Grâce à la Massif, j'ai le pouvoir d'être bien accompagné. Un conseiller spécialisé m'a aidé à choisir la complémentaire santé la plus adaptée à mes salariés et à moi-même. Bilan, nous sommes bien protégés et mon entreprise se porte mieux. Massif, essentiel pour moi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur massif.fr. Les contrats garantie santé entreprise et garantie santé des indépendants proposés par le Massif sont assurés par Massif Mutualité, mutuelle régie par le livre 2 du Code de la Mutualité. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, choisissez vos armes. Dynamite, explosif ou chalumeau. Pour ouvrir des coffres forts, deux experts sortent l'artillerie lourde. Chasseur de coffres forts, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Bon, alors, tu veux quoi comme cadeau ? Bah, je sais pas, soit un ordinateur, ou une tablette, ou sinon un smartphone. Bah, j'hésite. Qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture ? Bah, un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent d'eux-mêmes. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249 € par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Vizia DIGT 115 et l'LD 49 mois avec 2 000 € d'apport jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. À suivre sur RMC dans un instant, la météo, les infos de 8h. Et puis ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, comme chaque dimanche, 8h, 10h. Toutes vos questions auto au 32-16. Laetitia, on va terminer ce rendez-vous animaux avec une école un peu particulière, parce que c'est une école pour lapins. C'est bien ça, hein, on a bien compris. Oui, on va la découvrir avec le docteur Adeline Lassard, qui est vétérinaire, qui exerce exclusivement la médecine des NAC. Vous savez ce que c'est, les nouveaux animaux de compagnie, donc, dont les lapins, au centre hospitalier vétérinaire de Saint-Martin. Bellevue, c'est en Haute-Savoie. Adeline, bonjour. Oui, bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quelle drôle d'idée, une école pour lapins. Expliquez-nous. Alors, dans ma pratique, je ne trouvais pas ça être une drôle d'idée, mais je comprends quand on a plus l'habitude de voir les chiens et les chats. C'était un peu inspiré des puppy schools, de l'école du chiot qu'on voit fleurir en France, et puis d'un véritable besoin des propriétaires qui trouvent peu d'informations fiables pour leurs lapins et qui arrivent aux premières consultations assez démunis. Oui, ils ne savent pas qu'il faut vacciner, qu'on peut vermifuger un lapin, adapter l'alimentation de manière... Vraiment équilibré, puisque ce qu'ils donnent souvent après l'adoption, ça va être beaucoup de granulés, peu de foin. Il faut qu'on fasse un petit peu tous ces changements après les avoir rencontrés. Et alors, dans votre clinique, vous faites des... Alors, l'école pour lapins, c'est en fin de compte des séances que vous faites dans votre clinique pour les propriétaires de lapins de moins de 3 ans. Comment se passent ces séances ? Oui, alors on a choisi le public des lapins de moins de 3 ans pour rester dans le cadre de la médecine préventive. Hein, parce que c'est vrai que les conseils qu'on va donner sont généraux. On a des réunions, donc 3 séries de réunions qui abordent l'alimentation, la prévention des maladies et l'entretien, c'est-à-dire comment couper les griffes, nettoyer les oreilles d'un lapin. Et puis une dernière réunion sur le comportement. Et c'est vrai que toutes ces choses-là ne s'adressent qu'à un lapin en bonne santé. Les lapins qui commencent à avoir, par exemple, des problèmes urinaires n'auront peut-être pas les mêmes conseils alimentaires qu'un lapin qui va bien. Donc c'est pour ça qu'on a restreint ça aux lapins de moins de 3 ans. Donc c'est vraiment tous les lapins en bonne santé qui sont invités, qui appartiennent à notre clientèle. Hein. Et donc on va faire 3 séries de réunions qui se présentent toujours de la même manière. Une partie un peu magistrale, on va dire, mais très interactive avec un PowerPoint. Oui. On donne un petit peu les bases théoriques, donc comme un vrai cours, c'est la rabbit school. Et puis par contre, vraiment des travaux pratiques ensuite à chaque séance. Par exemple, sur la partie alimentation, moi je vais la veille acheter des légumes, je ramasse un petit peu de verdure, même dans mon jardin, je cueille des fleurs de capucine, des pissenlits. On met tout ça sur des tables avec des couteaux, des assiettes et surtout des balances. Et les gens vont apprendre, par rapport à ce que je viens de leur dire de manière théorique, voilà, un lapin, ça doit manger 100 grammes par jour de verdure pour un lapin de 1 kg. La règle, c'est 3 végétaux différents chaque jour. Composez-moi une assiette. Et puis, on voit un petit peu ce que les gens font en direct. Et même en ayant... on fait la cuisine pour lapin aussi, alors. Ouais, on fait la cuisine. Même en ayant expliqué avant, en fait, il faut encore des erreurs parce que, voilà, on est tous remplis de nos convictions, de nos habitudes. Donc, ça permet vraiment de... En fait, quand ils font par eux-mêmes, ils retiennent, quoi. Alors, est-ce que ce sont des adultes qui viennent ou ce sont des enfants ? Parce que bien souvent, le lapin, c'est l'animal de l'enfant. Alors, c'est très intéressant. C'est vraiment majoritairement des adultes. Le lapin, alors dans les clientèles justement de vétérinaire NAC, le lapin c'est vraiment l'animal de jeunes adultes en couple, on va dire de 20 à 40 ans. C'est le premier enfant du couple, c'est ça? Oui, on peut le dire comme ça, les NAC sont souvent les premiers enfants d'un couple. Et puis après, des vrais passionnés aussi. On voit quelques enfants en rabbit school, mais c'est vraiment pas du tout le public le plus fréquent. Mais ils viennent avec leur lapin? Alors, pas sur toutes les séances, parce que tous les sujets s'y prêtent pas, mais sur la réunion d'entretien et de prévention, les gens sont invités à amener leurs lapins. Alors, on recrute quand même des lapins pas trop stressés. C'est-à-dire que moi, j'en parle beaucoup avec les gens à la fin de la première réunion, et on connaît un peu le caractère de leurs animaux. Hein, donc, on leur dit, non, vous, malheureusement, il vaut mieux pas amener votre lapine, on sait qu'elle est assez stressée. Puis d'autres lapins qui sont très cool, effectivement, vont pouvoir venir pour qu'on manipule vraiment en direct sur eux, quoi. Alors, vous qui voyez des propriétaires de lapins tous les jours, quelles sont les plus grosses erreurs que vous observez, les plus grosses idées reçues que l'on a sur les lapins? Alors, il y en a beaucoup, mais je crois que le pire, c'est Bugs Bunny. C'est la carotte. C'est la carotte. Alors, est-ce qu'il faut donner des carottes aux lapins? Ils n'aiment pas les carottes, les lapins, ça c'est un scoop quand même. Ils préfèrent de très loin la verdure, les herbes aromatiques, la menthe, le basilic à une carotte, c'est certain. Après, souvent, l'erreur, c'est de donner une carotte entière tous les jours en disant « c'est super, c'est bon pour mon lapin et comme ça, je donne des légumes ». Alors qu'une carotte, c'est du sucre, beaucoup de vitamine A, c'est pas si intéressant que ça. Donc, un peu de carotte, certes, mais pas tout le temps. Voilà, en fait, la règle, c'est de varier pour équilibrer. Dès qu'on donne toujours le même légume, on est en train de faire une bêtise, c'est certain. Alors, je crois que ces écoles vont se généraliser dans d'autres cliniques vétérinaires. Oui, par le biais du réseau Revelnac. Donc, on est une quinzaine de vétérinaires en France à s'être fédérés en un réseau pour vraiment justement développer toutes ces bonnes pratiques. Et donc, le CHV où je travaille servait un petit peu de base d'essai. On a donc fait des rabbit schools en 2015-2016 avec vraiment un grand succès à chaque fois. Là, j'ai des collègues dans les Hauts-de-France qui l'ont fait en juin et ça a aussi très, très bien fonctionné. On a des très bons retours des propriétaires qui redécouvrent vraiment leurs animaux à chaque fois. Donc, des rabbit schools un peu partout en France. Merci beaucoup Adeline. Voilà. Merci. On mettra le lien de l'association sur Facebook justement pour voir s'il y a des rabbit scouts dans votre région. Bon, Laetitia, c'est merci l'heure de notre Adeline, petite vidéo Lodcat maintenant avec une vidéo étonnante en une minute. Ce petit chien fait 32 tours. Oui, sa maîtresse lui a appris 32 tours. En une minute. Ça ne s'arrête pas, c'est alors impressionnant. C'est pas le tour sur lui-même, des tours différents. Voilà, des petits exercices, on va dire. Voilà, alors ces exercices, regardez-le, ça dure une minute. Et surtout, moi j'adore, c'est le tout dernier exercice. Qui est très drôle. À découvrir donc sur la page Facebook de vos animaux sur RMC, vous cliquez sur J'aime Laetitia. On se retrouve dimanche prochain 6h-8h sur RMC. Et oui, et je vous souhaite un très très bon dimanche, une bonne semaine. Et vous donne rendez-vous, bien sûr, dimanche prochain. Je vous embrasse. Et dans un instant, ça sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau pour ce week-end des experts. À tout de suite. RMC, 8h-10h. Votre auto. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 septembre selon autorisation. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99 € pendant 12 mois, puis 24,99 €. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 5 octobre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête ARCEP de juillet 2016. Faites demi-tour dès que possible. Quand Fabrice est perdu et essaye de retrouver son chemin depuis 2 heures, dans sa tête, ça fait... Gardez toujours le sourire avec Citroën. En ce moment, avec le pack Smile & Go, Citroën C4 Cactus avec entretien, garantie et assistance inclus est à partir de 135 € par mois. Citroën. Location longue durée 36 mois, 30 000 km. Après un premier loyer de 1 800 €, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation par crédit par. Détails sur castor.citroën.fr.